Salut les jeunes. Navré d'avoir dû vous happer dans la voiture, mais nous devions vous voir de toute urgence. Mais qui vous êtes ? Je m'appelle Zarnoff. Voici... Azertov, Asto, Péremptoire, Tocheux. Et Gandalf. Salut. Mais pour vous faire une réponse plus complète, nous sommes les dépositaires d'un grand secret émanant d'extraterrestres. Concernant la diffusion des podcasts. Par faille temporelle. Oh. Vous pouvez rire. On a l'habitude d'être l'objet de moquerie. Ok. Nous sommes envoyés par notre sage et omnipotent leader, Zoltan, pour vous trouver et récupérer. La Zoomer 16. Oh. Alors, vous venez de Duranus? Ah ouais, je comprends, vous aussi, vous restez une heure aux toilettes. Écoutez, c'est très important. Nous avons surpris un échange cosmique qui nous incite à penser que vous avez été, au cours de la soirée d'hier, en possession... La Zoomer 16. Qu'en avez-vous fait? Du quoi? La Zoomer 16. Elle est un appareil énigmatique et très puissant. Et l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense pouvoir. Eh ben, désolé, mais on se souvient plus de ce qu'on a fait hier soir. Faites bien attention. Le danger fait route avec... La Zoomer 16. Comme l'a écrit... Zoltan! Zoltan! Ce qu'on va faire... C'est que on va ouvrir l'œil, des fois qu'on verrait le... La Zoomer 16. Et si on le localise, on vous appelle aussitôt? Oui, c'est impératif. Mais n'oubliez pas qu'un grave danger pèse sur vous. Ne vous fiez à personne. Exception faite de nous. Oui, merci. Dis Gandalf. Faut temps pour moi. Ne vous fiez à personne. Exception faite de nous. Zoltan! Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends? Il y a une bière sur la table. Non, non, non, je tiens mon anus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Voilà, c'est ça parti. Y est, c'est lancé. Tocheux va être content. Tocheux va être content. Eh oui, ça pas... y est. Ouh. Tu peux pas voir tes notifications, s'il te plaît? C'est vraiment le début de l'épisode. Ah, c'est vraiment le début de l'épisode, là. Je te jure que si j'ai une mauvaise surprise, tu prends un coup de boule. Ça sent le coup de boule. Ça dépend des boules. Loin du micro, loin du micro, ça. Rigole loin du micro, s'il te plaît. Bien. J'ose même pas cliquer sur le lien. Alors, Tocheux, c'est quoi cette grande nouvelle? Tu as l'apéro original qui vient de tweeter. Alors déjà, l'orthographe, ça me pique les yeux. C'est pas moi. C'est Donay, c'est pour Tocheux, et il y a un lien Tipeee. Et franchement, je sais pas s'il faut que je clique. Alors attention, suspense, ça s'ouvre. L'apéro original créé le 13 mars 2019. Japon, tote bag, bière professionnelle. Ouais, alors déjà, franchement. Hein, mes amis, c'est quoi apéro original? Du coup, d'un seul, toute l'équipe des joyeux drilles d'apéro original a décidé de lancer son Tipeee. Ok. Sans aller plus loin, moi je me désolidarise. Porté par cette envie d'entreprendre, le podcast 81.0 passe par la case mécénat pour continuer d'agrandir sa renommée et sa communauté de joyeux fêtards. Podcast d'intérêt malaise vagal, apéro original, c'est ce podcast innovant, enfant béni du croisement entre l'apéro du capitaine John Satriani, oui, et de la nuit originale, pas dans les locaux de Mademoiselle Ouf, qui mélange quiz, dossier, do-quiz, cossier, questions aux invités séquestrés, le tout saupoudré Daisy Diamond, fraîchement acheté chez BNV. Avec son rythme de parution staccanoviste d'un épisode par mois sans jamais prendre de vacances, ils ont décidé de remettre le couvert pour du rab. Ça s'appelle le shooter et c'est une fois par mois. Enfin, quand la porte veut bien s'ouvrir, rien à voir avec la grille d'une célèbre brasserie qu'on ne nommera pas et qui s'appelle Margot. Au départ, composé de seulement 3 idiots, ils ont rapidement été rejoints par 2 autres gros idiots. Je comble les mots qui manquent hein, aussi, les gars. Mon okay. Oh, Dieu, que c'est mal écrit. Mes grands seigneurs, ils invitent des méga gros idiots, ou des petits, au choix, à 2 doigts d'acheter du foin. Le pourquoi du comment de la traîtrise. Non, mais c'est long, votre truc, là, parce que... Tu vas pas tout lire, là, c'est trop long. Ouais, non, non, mais... Alors, on avait dit qu'on... Allez vous faire un avis, parce que moi, déjà, là, je suis malade, j'ai l'estomac tout retourné. Voilà. Ben bravo. Je n'étais et pas, si vous entendez plus courant. Gandalf, c'est qu'il est en train de se moucher avec une brouette. Hein. Voilà. Le plus drôle, c'est que je me suis rendu compte. Tu regarderas les paliers après. Et ben, en fait, on peut pas supprimer une page Tipeee. Non, mais t'es sérieux en plus? Le pire, c'est que je rigole même pas. Mais je vais passer pourquoi? Je vais être obligé de nier tout en bloc. On va voir les contreparties quand même. Ça fera beaucoup plus rire. Je laisse les descriptifs pour les gens quand même, mais les contreparties sont assez drôles. C'est la plus grande fumisterie du siècle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme contrepartie? Putain, mais il y en a une tonne en plus. 10 euros collecté. Oh putain. Ah, tu fais les objectifs et les derniers, contreparties. Ah oui, il y a les deux. Alors, attends. Je suis lâché sur les deux. Moi et Tipeee, tu sais, ça fait 18. Hein, donc, les objectifs, bah, du coup, on s'en branle parce qu'on n'a pas d'objectif. Hein, l'idée, c'est juste d'être tous ensemble là, comme ça nous fait plaisir. Le dernier objectif pourrait te plaire. Il n'y a pas aucun des putes, quoi, merde. Non, mais ça, on a dit que c'était au Luxembourg, ça. Alors, 1 euro, c'est l'émission du mois en avance. Oui, bien sûr, on a déjà du mal à les mettre en ligne au bon moment. Ah non, à un jour près. À 4 euros, vous avez l'émission garantie sans Joe Satriani. Donc, va falloir vous mettre d'accord, les gars. C'est Joe ou John. Hein. À 10 euros, c'est accès au conducteur des émissions. Oh, enculé, ça, si c'est pas du vol, quand même. J'aime bien Dixit, là où la magie opère. C'est ça, ouais. À 80 euros, vous avez une émission sans Gandalf. 81 euros. Oui, non, mais c'est déjà trop cher payé. Hein, on va arrondir. D'accord, c'est tout. Et après, tu as les objectifs. Non, les objectifs, on va laisser ça aux gens, le soin d'aller voir ça. Donc, bah, c'est quoi le lien, du coup, Tipeee.fr? Tipeee.fr/apéro-original, parce que tu comprends bien, on cherche de l'argent, on cherche du financement, voilà. Pour aller plus loin. Voilà. Et moi, c'est pas pensais que t'allais faire juste une fausse page. T'as vraiment fait un compte? J'ai déjà un compte, ça, moi. Tout ça me rappelle. Non, mais je passe pourquoi, moi, maintenant, putain. Tout ça me rappelle vaguement une page d'un certain Tocheux. Enfin, il le sait pas, mais c'est quand même sa page sur. Si, je l'ai vu, celle-là. Sur Ulule. Un beau malèvre. Pour la mise au point d'un beau malèvre à la truite. La truite. Ouais. Qui me semble être un très beau projet. Sauf pour les truites. Ça nous, du coup? Ah bah c'est baqué. Hein, c'est baqué. Ça en est que l'équipe de Ulule se demande si vraiment... Enfin, ils veulent des informations un peu plus précises sur le truc. Donc on leur dit, bah, oui, mais c'est pour jumeler avec la crème au hérisson qu'on veut lancer après. On est toute une gamme, en fait. C'est, ouais, ça, c'est, ouais. C'est pas juste une gamme un produit. D'extermination, ouais. Des animaux. Bref, vous êtes des cons. Oui. Tout ça pour une blague? Bah, non, mais il faut trouver un moyen pour la supprimer maintenant. C'est, Bah, tu peux la modifier. Oui, je vais la modifier. Je vais mettre 10 000 euros pour premier objectif. Ouais, non, mais tu, non, mais tu mets qu'un seul palier. C'est ce que je veux. Objectif à 10 000 euros. Mmh. Je veux pas que quelqu'un lâche 10 000 euros. Quoi. Pour 10 000 euros, moi je reprends mon podcast et j'emmène les gens avec moi. Ah bah voilà, on peut. Voilà, je mettrai ça. On va le tourner comme ça alors. Et non, je reverse tout à une association pour les animaux. C'est ça. Oh. Ah bah là, on cause. Ah, tu vois, hein, ah. On va faire quelque chose d'utile alors. Ouais. Voilà. Bon, le faites pas, le faites non, pas. Non, non, sérieux, si tu peux pas l'effacer, moi je fais des dons publics. Et si les gens se foutent de ton émission et des animaux? Qu'ils aillent se faire enculer. Merci, Cuberteuil. Il vous en prie. Non, voilà, on a bien commencé. Heureusement qu'on a dit qu'on ferait des intros moins longues. On a bien commencé, mais toi, tu vas mal finir, je te garantis. Moi, j'avais parié sur la baffe, mais... Ou la bifle. Non, mais il y a Jean-Jean entre les deux, là, ouais. C'est plus de la bifle, tu vois. La baffe d'escargot, bien entendu. Restons dans les animaux. Pas pour Jonjon. Hein. Le pire, c'est qu'il l'ai mis au courant, quoi, il y a 5 minutes, quoi. En fait, parce qu'en fait. De la vraie page. De la vraie page. Moi, j'étais pas c'est au courant. N'importe quoi. Je tiens à dire que je n'étais pas au courant du tout. Non, non, tu étais pas du tout au courant. Là, les mecs qui quittent le navire en courant, quoi. On peut commencer donc l'émission un jour ou... Ah oui, on va commencer. On a soif. Ah oui, bon, allez, du coup. Ouais. C'est là. Donc, on a des participants. On est sur Pod Radio des fois. Oui. Ah, tu as déjà dit ça, et vas-y. Les mecs qui commencent dès le départ. Vas-y. Podren 2020. Non, bah oui, déjà, c'est en route. On sait pas. C'est pas 2020, hein, comme on dit. En tout cas, c'était bien. On sait pas encore. C'est le rêve. Et donc, après, on a un code Beemaker. Si tu tapes apéro original, voilà, tu peux avoir des réductions de 15%. Et ça, on l'a marqué partout sur d'autres textes, donc tu te démerdes. Et donc, on va commencer à boire. Allez, c'est bien boulot. Ah, bah dis donc, ça traîne pas. Pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah, allez, folle. Oh, Ah, j'ai faim! Ah, j'ai chaud! Ah, j'ai froid! J'ai soif! Allez, venez, on va au fil, les gars! Petit gueule en entier. Donc maintenant, on peut ralentir le rythme, c'est bon. Donc, décapsuleur du destin, et je le passe à Valérie, parce que nous avons des invités parmi nous. Donc, nous avons Valérie de Talfacho. Valérie du Front National. Allons, plus... enfants de la Valérie. Il va falloir trouver un autre nom. Hein. Foutu, hein. Moi, j'écoute alors, plus, en tout cas. Normalement... Plus que je sais, j'écoute plus. Normalement, il ne faut pas choisir un film à la jaquette. On a pu le voir des fois. J'ai choisi une bière à l'étiquette. On verra ce que ça donne. Étiquette très colorée. Offline, White Ale, de Dupus. Après, je vais voir. Je vais goûter et je vous dirai après ce que j'en pense. Ah, généralement, nous, on dit qu'elle est bonne. Ouais, si t'as 2 secondes, t'iras sur mon Tipeee, tu feras une donation. Voilà, pas de soucis. Par contre, il faut donner 10 000. Hein. Et donc, je récupère le décapsuleur. T'as pas ouvert. Et ça tombe très bien, hein, juste après. Car moi aussi, j'ai une bière de la brasserie Oedipus, hein, avec Asto aussi. Ouais, on est frères de bière. Hein. Alors, je vais commencer et tu vas terminer juste après. Ouais. Donc, c'est très joli, à toi. Donc, c'est une petite... Oui, moi aussi, j'ai choisi avec... grâce à l'étiquette, qui est une très jolie étiquette. Et bon, bah, comme j'ai la flemme, je vous laisse Asto faire la présentation. Allez, hop, démerde-toi. Elle s'appelle, du coup, Poly... La polyamor. Polyamori. Polyamori. Parce qu'en fait, c'est sharing the love for hopes, mango and sourness, white shoes. Donc si vous aimez le houblon, la mangue, l'anglais. Et donc dans mon Tipeee, en fait, je paierai des cours d'anglais. Ça va, je suis moins pire que Gandalf quand même. S'il te plaît. Ouais, mais c'est moins pire, mais c'est pas mieux. Ouais, bon. Ah, merde. Alors là, c'est... Donc, voilà. Pourquoi choisir quand on aime plus plusieurs pire, trucs voilà. C'est pas pire, pas un tout. Désolé pour la patate chaude. Et je vais passer à Mathilde. Merci. Alors, moi j'ai choisi une bière anglaise qui s'appelle Bombardier, qui est une white ale, comme ça qu'on dit. Comment ça s'écrit? Ale. Je sais pas, ton anglais... Ah mais j'ai pas dit que j'en avais plus moins besoin. Donc c'est une bière pas très très forte, hein. Elle est à 5,2. Et en plus, ce qui est bien, c'est que celle-là, bah, c'est une... Attention, conversion. Vas-y, ouais. Une 50 centilitres. Ouais. 500 millilitres. 50 centilitres. Ouais. Et voilà, elle a l'air bien bonne. Et ça fait combien, 5%, 5,2% du volume du coup? Ah, c'est moche. C'est marrant. Rayons ensemble. Voilà. Tu nous as pas lu l'étiquette. Alors, il y a écrit Damn Ned Tasty Rich and Malty and English. Allez. Oh. Voilà. Podcast allez. De l'anglais. Allez. Allez. Allez. Allez, les bleus. Ça a l'air très bon. C'est le principal. Voilà. Donc je vais passer le décapsuleur à Jean-Jean. Merci, merci. Oh merde. Salut Révan. Parce qu'elle dit j'ai typé. Non. Ah, merci Révan. Oh, non. 1 euro. Ouais. T'avais pas le droit, Révan. T'avais pas le droit. À 10 euros, c'est striptease de Toshua à votre traîneur. Avec un commentaire sur Tipeee, oui, bah, parce qu'il le faut, quoi. Oh merde. Oh, pardon, excuse-moi. Oh, je t'en prie. Pas de Rennes 2020, t'as du temps. Donc, pour moi, ce sera une Itachino Nest, une bière japonaise qui se mesure à 5,5 degrés d'alcool, qui est interdite aux femmes enceintes et qui est recyclable. Je devrais retrouver un merveilleux goût d'écorce d'orange et d'épices, ouais, d'épices. Et je vais vous ouvrir ça tout de suite avant de passer le ça me rappelle une émission, ça. Ouais. Ah bon, le Focal. Mais non, on s'écoute ça. Ah non, bah non, c'est le présentateur. Ah non, lui, il est un dernier. Ah. Bon, mais pas tout. Alors, n'oubliez pas que vous avez un formidable Tipeee où vous pouvez tiper. En attendant, moi je. Ce passage sera découpé pour. Ah oui, oui, oui. Non, mais pour l'audiogramme, pour l'audiogramme. Ça sera l'audiogramme. Heureusement, désolé, heureusement que je suis assis là parce que ça m'a tout roulé barriqué. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Vous connaissez ma passion, moi, pour la brasserie mérignacaise de l'effet papillon. Non. Ben voilà. Maintenant, t'es au courant. Ça, c'est parce que t'écoutes pas assez l'apéro original. Tu donnes pas assez, donc t'auras pas assez aux émissions anticipées. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, une Brett Pale Ale qui s'appelle la Dragon Brett. C'est une Pale Ale vieillie en fût de Saint-Émilion. C'est quelque chose que j'ai entrevu hier soir et qui me paraissait fort sympathique. Et si vous connaissez pas, bah, je vous engage à essayer, vous faire votre avis vous-même. Et puis bah, moi, je vais me coller ça tout de suite parce que franchement, là, je suis encore un petit peu sur le cul. Juste pour information, on doit titrer à... Ah, c'est moche de vieillir, j'arrive pas à le lire. Mais je crois que ça tabasse un peu. Bon, bah, si j'ai fait trois fois le tour et que je l'ai pas trouvé. Ah non, c'est 5-5. Ouais, non, c'est pas celle-là alors que je pensais. Ça va. Ah, mais toi aussi, t'as une Dragon Bar. Voilà. À toi, mon ami Ludo. Merci. Alors, moi j'ai une Paradise Pepper de The Piggy Brewing Company. Il y a des hiéroglyphes japonais dessus, enfin asiatiques. On n'est pas sur France Culture. Il y a des signes un peu bizarres. Hein. De l'écriture, c'est tout les mêmes. Hein. Je ne reconnais pas les lettres. On dirait du vermicelle. C'est des kanji, c'est des hiragana ou des katakana? C'est des gribouillés d'asiatique. Alors, c'est une bière qui contient du poivre de Sichuan. Et du citron. Elle est... Ça, on connaît. Ça, ça va être méga bon, en fait. Elle fait 5,6 degrés. J'apprends. Ça va être épicé, du coup. Et 33 centilitres. C'était le bruit de l'ouverture. Et je passe le... Décapsuleur. Voilà. Le décapsuleur du destin. C'est le nom qu'il avait tout à l'heure. Non, il y a plein de mots qui peuvent commencer comme ça. Ah, débite parce qu'il a soif. Ah oui, j'ai soif. Alors, je te coupe deux secondes parce qu'il y a Revan qui a fait la lecture de la page Tipeee sur Mumble. S'en fout. Elle avait qu'à être là, on s'en fout. Et ils ont bien rigolé. D'accord. Il y a combien maintenant? Tu me coupes pour dire que des mecs qui sont pas là ont bien rigolé? Oui. C'est très passionnant. Il y a toujours un euro. C'est passionnant. Il n'y a pas intérêt à ce que ça bouge d'ailleurs. C'est pas une croix de perte, ça. Hein? Ouais, ça vient d'Alsace. Ah ouais, mais j'ai un truc un peu pédophile. Ouais, c'est les petits enfants à la croix de fer. Et qu'est-ce que j'y peux? C'est vrai qu'il y a une croix. De base, c'est pédophile. C'est une orange mécanique. De. Comment tu dis? Sainte-Cru. Alors, le code barre. C'est alsacien. On s'en fout. C'est alsacien. Qu'est-ce qu'ils mettent? Eau, malt d'orge, malt de blé, houblon et miel. Et c'est 7%. Et ça m'a l'air bon, j'espère. Assez sinon, t'as toujours ta bière de secours. Sinon, j'ai toujours ma bière de secours avec du sucre dedans. Dieu de bordel, j'aurais. Voilà. À qui le tour? À monsieur Azertov. Comme l'a dit Tocha, en fait, j'ai la même bière que lui, donc la Dragon Brett de l'effet papillon. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Gabi en fût. De Saint-Émilion. En fût de Saint-Émilion, grand cru, s'il vous plaît. Attention. Béa, tu fais trop de bruit. Chérie, on a un tipi. On va être riche. Ouais. Vous allez pouvoir faire l'Indien dans tout le jardin. Vous allez être content, hein, ça. Qu'est-ce qu'on se marche chez vous? Et franchement, tu regardes pas d'être venu. Hein. Ah, l'année prochaine, on fait pas de reine à la j'ai maison. J'ai déjà bu, ça va. Mais non, mais. Et du coup, monsieur Gandalf. Monsieur Gandalf. Ou Gandalf. Gandalf. Alors, cette fois, on change, on revient sur Bordeaux. C'est. Quoique, on y était avec. Non, Microméga, c'est pas sur Bordeaux, c'est dans les Landes. C'est chez les Viandards. Ah merde, j'aurais pas cru. Saint-Sever. Saint-Sever, ouais. Faut pas confondre avec la brasserie Mira. Ah oui, voilà. Donc alors, ce que j'ai pris... Moi, j'aurais confondu. Oui, mais non. Moi aussi. Moi, j'étais à la Grèce. Oui, voilà, mais j'allais dire, c'est pas en Grèce. La Finlande ? 95. Oui ! C'est quoi le contraire d'Alfred ? Ouais. Département de la Finlande. Hitchcock ! Ah putain, il a bloqué sur Alfred, merde. Ah ouais. Alfred. Non, c'est une Irish Stout, et donc c'est une bière un peu torréfiée, qui sent le cacao, tout ça, bref, voilà. Elle est à 4,2 degrés. Si c'est pas 50. Rien. Continue. Il y a de la bouffe. Enchaîne. Bah, bah. Interdit à Sigourney Weaver. Ibu 32. Voilà. Ibu, je sais pas quoi, mais bon. Bon, on va goûter. Bon, on va goûter. Hein. Santé. Santé. Au Tipeee. Hein, c'est santé. Ah, oula. Si, quand même. Ça passe bien, ça, dans les micros? Je pense, oui. Ouais, ça passe bien, t'inquiète. Donc maintenant que tout le monde a bien bu, tout le monde s'est bien régalé de ces magnifiques... Oui, en effet, j'ai bien un type d'un roux. Ah ouais, vous avez entendu un facho bourré. Les noirs. Les japonais nègres. Ça, ça restera, ça, je pense que... N'importe quoi. Ah, on a du bon là. Si on vous a continuez du bon. Comme ça, vous allez être obligé de faire l'apéro original 2.0 pour vous faire pardonner toutes vos. T'imagines quand c'est l'apéro original qui va aller dans Tu aimes les films d'horreur. Ce bordel. Un court métrage à lui tout seul. Tu parles de Gandalf. Un court métrage d'horreur. Emmène Gandalf, c'est déjà un peu d'horreur. Si. Donc maintenant, dossier à quatre mains. Et à deux voix. Et à deux voix. C'est un dossier. Ah, tu n'es plus dans le micro là. C'est un dossier de Tocheux Péremptoire. C'est sur les théories du complot. Alors, du coup, une question. Quel jingle, Tocheux? Je préfère celui de Tocheux. Parce qu'il est oui. Non, parce qu'il est mieux. C'était quoi l'autre jingle? L'autre jingle, c'était quoi? Alors, tu veux l'autre jingle? Ouais. Oh. Allez! Ah bah, j'ai le temps d'aller pisser! Il dure 2 minutes, l'autre jingle. Je crois que je l'ai même plus ici. C'était toutes les intros de tous les podcasts de Pépé, en fait. 260. On pourrait avoir le premier pour. pour se faire une idée. Bon, alors on va parler des théories. Alors, compliqué aujourd'hui, ça va être un peu touchy. Hein. On va parler des théories du complot, donc ça va être un sujet un petit peu vaste, un peu complexe. Pas forcément évident à traiter, je trouve, hein, surtout en ce moment. Et donc, c'est le genre de thème où il faut bien faire attention à ces mots parce qu'il faut bien les choisir. Juste, c'est toi qui as eu l'idée, Tocheux ? Oui, moi, je me suis réécouté parce que je suis un gros sadomaso quand même. L'épisode où tu nous parlais des légendes urbaines. Ouais. Et un petit peu en panne d'inspiration, parce que franchement, moi, le podcast, c'est pas mon métier. Non. Et ça le sera jamais. C'est pas ton truc, de toute façon. Non, c'est pas mon truc. Ça non, voilà. Par contre, j'ai un Tipeee, si vous voulez. T'es plus sur l'argent, toi. Hein, hésitez pas. Moi, je suis clairement plus sur l'argent. Hein, voilà, vénal, c'est toi. Ça. Ouais, je suis très, très vénal. Ouais. Je suis surtout sur la grosse veine bleue. Ouais. Voilà. C'est très vénal de ce côté-là. voilà. Tu me rappelleras tes tarifs. Oui. Bon, c'est pas dur. Hein. C'est à peu près ceux du Pont-Moretti. Ah, putain, c'est cher. Oui, mais c'est du vol. Mais c'est autorisé. Est-ce que t'es aussi bon que lui à l'oral? Oui, je pense, oui. Je sais pas, Béa est derrière toi, demande. Béa, il dit que t'es pas doué à l'oral. On a faim, Béa. Oui, enfin bref, voilà. Donc, je me suis relancé suite à l'épisode où Péremptoire nous parlait des légendes urbaines. Et je me suis dit que les théories du complot, comme il l'a dit, avec l'actualité qu'il y a en ce moment, je vous rappelle qu'on est au mois de mai, si c'est bien ça, hein, que Étienne Chouard est devenu président de la République, que le RIC a enfin été instauré, que Mélenchon est Premier ministre et que c'est un beau bordel. Voilà. Et du coup, on est parti sur les théories du complot. Ouais, c'est ça. Et moi, je me suis rappelé, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Twitter, il y avait une enquête qui était passée, c'était Conspiracy Watch. Et c'était une enquête qui disait que, par exemple, il y a 15% des Français qui adhèrent à l'idée des chemtrails. Est-ce que vous savez ce que c'est les chemtrails? Oui. C'est quoi, David? Parce que toi, tu me parlais d'un épisode d'X-Files, en plus. Oui, il y a un excellent épisode d'X-Files dans la dernière saison qui parle de ça. Enfin, qui parle de ça. Donc, il se termine par ça. Mais donc, c'est pas que le cancer, c'est contrôle mental aussi, je crois, non? Oui, beaucoup de choses. Bon, oh, bref, le complot. Il y a juste cette phrase que je voulais ressortir qui était intéressante, c'est « Le complotisme a cessé d'être un phénomène marginal uniquement chez les extrémistes. » C'est pour expliquer que le phénomène, il tend vraiment à se renforcer dans les années à venir, et notamment chez les jeunes, les plus sensibles à ces théories, dit-on. Hein. Voilà, donc 15% des Français qui adhèrent à l'idée des chemtrails, hein. Et aussi 43%... C'est les traînées que laissent les avions. Ouais, c'est ça, ce sera des produits chimiques censés... je sais pas, créer de l'effet de serre, enfin bref, plein de choses comme ça. Il y a aussi 43% des Français qui pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique, hein, pour cacher au grand public la réalité. Tu sais, les gens au ministère, faut s'en méfier. Oui, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. On en connaît. On en connaît, malheureusement. Je vais pas dire non. Suite, pas de marque. Yapo. On ne dira pas que c'est le ministère de la Défense, en plus. Ils sont rarement sobres. Aujourd'hui, Yapo. Yapo. C'est ça. Tamponné. Voilà. Et donc le sujet, c'est devenu un sujet assez, enfin un sujet d'importance en ce moment. Hein. On en parle beaucoup dans la presse. Il y a beaucoup d'articles, de dossiers, etc. Ouais. Donc on va commencer par présenter. On va être très académique un peu quand même ce soir. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? Bah, pour bien comprendre une théorie du complot, on va prendre juste la définition commune qu'on trouve un tout petit peu partout. C'est que d'une façon généralement admise, c'est selon l'ensemble des personnes définissant la locution, une théorie qui propose de présenter une vision de faits particuliers, carrément des pans de l'histoire en général, sous l'angle du résultat de l'action de groupes de personnes qui œuvrent à couvert et dans le but au mieux de servir leurs intérêts, mais au pire c'est de lutter contre l'intérêt collectif. Voilà. Alors quand on entend, quand on prend la population de ces gens qui posent la définition, on a quand même pris le point de vue de l'État, voilà, le point de vue qui est quand même le plus officiel en France malgré ce qu'on puisse penser de l'État. On a le point de vue un peu plus officieux qui est collaboratif, qui est celui de Wikipédia. Et après, on a des marginaux qui se lancent dans la définition de la théorie. Et pour eux, ils dépeignent ça juste simplement comme une explication naïve et concurrente des versions officielles ou encore simplement de la puérilité intellectuelle. C'est compliqué. Les gens récupèrent leur argent sur Tipeee. Bonjour, Diego. Oui, nous sommes à 18 euros. Non, c'est pas vrai. Ah, je te jure, tu m'as fait peur. Ah bah, ça ferait par minute que deux striptease. T'imagines, ça fait au moins trois Grecs. Alors, tu peux racheter la Grèce avec ça. C'est clair. Tsipras, tiens-toi bien. Bon, ce sont des conneries ou pas. À votre avis, qu'est-ce qui peut faire un bon complot? Qu'est-ce qui est susceptible d'être un complot pour vous? Genre la bonne recette ou... Ouais. Un complot? Tu veux des exemples? Ça part de quoi? Parle de quoi? Du gouvernement. Ouais, par exemple. Il y a des juifs dedans. Bah, globalement, c'est en fait tout événement qui est un peu médiatisé, exceptionnel, extraordinaire. Par exemple, il y a les. En septembre. Par exemple, ce sont des plus connus. Il y a aussi des complots sur des événements naturels comme des tremblements de terre, des tsunamis. Par exemple, il y avait tremblement de terre d'Haïti en 2010. Vous en rappelez? C'est vraiment une théorie du complot. Ah, oui. Alors, il y a des théoriciens du coup, ah bah oui, complot qui évident. Disent que ce serait dû à un exercice militaire des États-Unis, des tests de bombes au large des côtes, ou même que quelqu'un aurait créé une machine à créer des tremblements de terre, comme dans Arrow saison 1, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà. Et donc, voilà, il y a des complots qui vont de l'anecdotique jusqu'à l'absurde. Pour l'absurde, par exemple, en 2012, rappelez-vous, hein, Barack Obama est allé sur... téléporté sur la planète Mars, hein, bien sûr. Ouais. C'était excellent épisode de X-Files. Hein. Ah ben non, il a été obligé de démentir. Ils n'ont pas dit ça. Ça préfère un très bon épisode d'X-Files. Hein. Ouais. Et donc, en gros, en 1983, il aurait fait une expérience pour aller sur Mars. On l'aurait téléporté sur Mars, Barack Obama. Et la Maison Blanche avait dû faire un démenti quand même, très sérieux, pour dire non, Barack Obama n'est jamais allé sur Mars. Sur Neptune. Voilà, non. Ouais. Non, dans la galaxie. Plus loin, le gars. Oui, et si on regarde Stargate Atlantis, c'est encore plus loin. Il y a aussi des complots qui sont plus sérieux, et là, ça devient carrément dangereux, bien sûr, les anti-vaxeurs. Hein. Les anti-vaccins. Ah, bah attends, Cocorico. Ah, bah, fierté française. On est en dessous de tout. Champion de la réintroduction de maladies. La rougeole. Bah ouais. On gueule, parce qu'on peut pas réintroduire des animaux, on peut réintroduire des maladies quand même, merde. Après tout, les bactéries. Mais ça fait tourner les laboratoires, selon la théorie du complot. Je suis d'accord avec toi, il faut laisser faire la nature. Voilà. Mais même, rien que chez les anti-vaccins, il y a plusieurs complots, plusieurs histoires de complot. Il y en a qui disent que c'est complot du ministère de la Santé pour réguler la population mondiale. On est trop nombreux, bien sûr. Il y en a qui disent que c'est accusé de donner l'autisme, surtout aux jeunes enfants, quand les vaccins. Et voilà, avec certaines répercussions, hein, Cocorico et la France a réintroduit la rougeole au Venezuela, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'était en Amérique du Sud, je sais plus où. Au Costa Rica, peut-être. Ouais. Et même, vous connaissez Plague Inc., le jeu vidéo? Oui. Oui. Et ben, les anti-vaccins sont devenus un bonus. Un bonus du jeu. Pour avoir un boost. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Et après, il y a des. Après, on a. Oui, après, on a des exemples quand même un peu plus connus et qui parleront sûrement beaucoup plus, plus aux gens. On peut... Quand on parle du nouvel ordre mondial, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Oui. Par exemple Les reptiliens. Oui. On a les Illuminati, oui. On a le groupe Bilderberg. Non, mais Ludo, il fait un concours de bruitage depuis tout à l'heure. C'est portable, ça. Bip, il fait tomber des trucs. C'est ça. On le regarde, j'ai l'impression de voir donc un gosse de 5 ans qui a fait une connerie. On croit à Lazertoff. On a le nouvel ordre mondial qui décrit une conspiration dans laquelle des groupes de puissants et secrets. Donc, on a parlé des Illuminati. On parlera du groupe Bilderberg. L'Union européenne. On va voir ça aussi pour la suite. On a les francs-maçons, pour les plus connus, et qu'on accuse de comploter pour gouverner l'humanité avec un gouvernement mondial unique. Il n'y a pas les reptiliens ? Les maçons du cœur aussi. D'ailleurs, on se demande qui c'est qui va les arrêter. Les francs-maçons du cœur aussi. Hein, franchement, les francs-maçons du cœur. Oui, et voilà. Les chats. Les chats dominent le monde. Bientôt. Non, ils le font déjà. Donc, ce nouvel ordre mondial aurait pour but d'avoir l'emprise totale sur la planète. Ce sont des groupes qui se servent du financement politique, de l'ingénierie sociale, du contrôle de la pensée. Et la propagande basée sur la peur pour atteindre ses objectifs. Ça s'appelle pas libre-échange ? Ça s'appelle Marine Le Pen. C'est libéralisme. On peut lui donner tous les noms qu'on veut, a priori, tant qu'on est capable de mettre une étiquette derrière ces gens, cette théorie. Dans nos villages. Son symbole le plus significatif, c'est l'œil dans le triangle. Vous savez, c'est celui qu'on retrouve au revers du grand sceau des États-Unis. Ouais, sur les billets. Voilà. Les organisations internes. Tu veux une saucisson ? Ouais, je veux bien, ouais. Par contre, je vais juste le poser là. Passionnant, en tout cas. Ouais, mais je m'en branle. Les organisations internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, comme disait si bien Gandalf, les Nations unies et même l'OTAN. Est-ce que tu veux du fromage, Tocheux ? Ouais, aussi, ouais. Je prends ça. Par contre, si tu pouvais mettre 2 euros sur mon Tipeee, ça m'arrangerait. Voilà. Je le mettrai ailleurs. Très bien. C'est plus petit qu'une pièce de 2 euros. Mais par contre, je ne rends pas la monnaie. Et donc, on disait l'Union européenne, les Nations unies, l'OTAN sont fréquemment présentées comme des organisations fondatrices de ce nouvel ordre mondial. Je vais goûter ma bière, Tocheux. Attention, il y a 10 pages. Hein. Ouais, il y a 10 pages. Hein. Franchement, je sais pas. Moi, à mon avis, j'aurais fini ma chronique avant que tu aies fini ta bière. Voilà. Oui, parce qu'on si a tu pas veux. Donc, la donc on si parlait de la Grèce. Grèce avec Socrate et la démocratie. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous... Et les préservatifs. Mais quoi, le footballeur? Mais d'où tu sors ça, toi? Socrates, il est brésilien, connard. Pas loin. Son frère était chirurgien dentiste. Ah oui, oui. Ah, putain. D'ailleurs, il y a beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Ah ben bravo, Ludo. Voilà. Il a fait encore. Je fais des claquettes avec les capsules que Ludo jette sous mes pieds. Mais on a trouvé des techniques pour te pirater ta rubrique, mais alors, d'une originalité folle. C'est pas grave. On va parler aussi d'une autre théorie du complot qui est relativement fréquente, c'est le virus du sida qui aurait été créé en laboratoire. On se base sur les idées à la base du docteur William Campbell Douglas, selon laquelle le VIH a été créé volontairement en 1974 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et il a même plausible. Oui, ben voilà. Donc tu rentres factuellement dans la possibilité d'une théorie du complot. Et il a même déclaré. Il y a rien qui m'a dit que le contraire. Voilà. Mais ça, péremptoire, on a parlé aussi dans ces légendes urbaines, c'est ce qu'on appelle la preuve diabolique, si je me souviens bien. La preuve négative, voilà. Ça n'existe pas. On peut prouver que les chevaux existent, mais pas que les licornes n'existent pas. Exactement. Ce qui veut dire qu'elles existent. Surtout en Corée du Nord. Donc, ce docteur William Campbell Douglas a déclaré que ce virus avait été expérimenté en Afrique et avait été concluant. D'autres ont même affirmé qu'il avait été créé par la CIA ou le KGB. Coucou Gandalf, comme un moyen de réduire la population mondiale ou encore qu'il s'agit d'un accident expérimental couvert par un ensemble de scientifiques réputés au moment des faits et qui donc ne voulaient pas trop non plus se mettre en avant. Donc il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, hein, genre tout ce qui est médical, hein, complot sur la vaccination, hein, baisse de la couverture vaccinale en France, bah, on est plein de l'actu en fait, il y a eu un mort exactement, la semaine ou la semaine dernière, enfin le premier mort de rougeole depuis longtemps. Voilà, il y a aussi... Non, pas si longtemps que ça, pas la micro, rougeole. Oui. Ça fait une semaine... Non, c'est pas mon micro, ça. Ce que veut dire Ludo, c'est que ça fait une semaine il y a 2 mois. Oui. on est plus dans l'abus. Vous avez du mal, hein. Nous, on est invités, on sait faire, mais vous, non. J'en ai su faire. Merci. Est-ce que ça répond à ta question ? Vous me tuez. Alors, pas encore. C'est dur. La Food and Drug Administration aux États-Unis, c'est une autorité qui régule tout ce qui est alcool, médicaments, nourriture, etc. Et il comploterait avec les lobbies pharmaceutiques pour ne pas proposer de remèdes naturels aux graves maladies. Mmh. Comme ça, ça permettrait aux lobbies pharmaceutiques de proposer leurs médicaments à prix hallucinant. Bon, on connaît déjà le prix des médicaments aux États-Unis. Hein. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est vie démocratique qui est un peu plus en danger, par exemple. Qui a vu JFK d'Oliver Stone ? Oh oui. Ouais, donc c'est un film qui est centré sur l'enquête autour des théories du complot sur l'assassinat de JFK. Mmh. Et ça, quand il est sorti, il y a eu une grande diminution des intentions de vote. Beaucoup moins de gens qui sont allés voter juste par la simple exposition devant ce film, en fait. Qui est très bien fichu, en plus. Ouais, c'est un bon film. Hein. Ouais. Alors, théorie de la balle magique qui depuis a été démontée. Oui, alors il y a plein des complots sur JFK. Il y en a un tireur, deux tireurs, trois tireurs, même plus. Il y en a un tireur, deux tireurs, trois tireurs de doux. Alors, tout ce donnez-nous une rubrique, on vous la pourrit. Ah ouais, bah, il n'y a pas de souci. Hein. L'environnement, tout ce qui est environnemental, un complot qui dit que les scientifiques comploteraient afin de laisser croire au réchauffement climatique. Comme ça, les scientifiques peuvent continuer à recevoir des financements publics. Bah, c'est oui. Claude Allègre. Oui, par exemple, ouais, il y avait une histoire avec Claude Allègre. Oui, il voulait dégraisser du mammouth. Ouais. C'est vrai. Puis voilà, les chimpanzés. Ouais, il voulait dégraisser le mammouth. Ouais. Puis bon, il y avait. Non, mais va lui dire. Oui, c'était. Oui, non, mais Claude Allègre, c'était dégraisser le mammouth. C'était pas. Claude Allègre, c'est pas lui, là, ministre de l'Éducation nationale. Je ne savais pas que c'était lui. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Enfin, après, je vais parler des chemtrails, donc on va passer parce qu'on en a parlé depuis tout à l'heure. Donc... Et après, on va voir du coup comment se construisent les discours conspirationnistes et qu'est-ce qui fait qu'on y croit ou qu'on a envie d'y croire. Alors, toujours dans le micro. Oui, alors déjà dans le micro. Moi, je suis pour le podcast de loin. Ouais. Je suis bien d'accord avec lui. Il est comme Alain. Tu penses qu'il y a un complot autour des podcasts du Podren 2020, on met H2N. On nous oblige à parler proche du micro et je sais pas si c'est pas une attitude un peu complotiste. T'enregistrer et réutiliser ce que tu vas dire. Ouais. Et tout enregistrer tes données personnelles. Récupérer l'ADN que tu laisses sur le micro. Ouais. Alors, comment ça se construit une théorie du complot ? Je rappelle que le sujet est un peu touchy et que pour faire le tour et ne pas justement sombrer dans comment on démonte une théorie du complot et ne pas sombrer dedans, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous livrer les faits tels que moi je les ai trouvés. Alors, moi je pense que vous auriez dû créer un complot pour nous expliquer comment. Ouais, genre un Tipeee. Et qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas dans un complot ? Ouais. On va voir ça à la fin. Qu'est-ce qui te dit qu'on est bien dans la réalité ? Moi j'ai vu Matrix, hein. Ouais. Hein ouais. J'ai vu Matrix, moi. Et je suis il va expert, bien. D'accord. Il va bien. Bah écoute, ça fait longtemps. Ouais. Il prend toujours ses pilules. Je l'ai revu deux fois. Après, il allait moins bien. Beaucoup moins bien. Donc, une théorie du complot, ça tend à mélanger des faits et des spéculations sans réellement distinguer les deux. Spéculoos. Ouais. La crème de spéculoos qui est très bonne. Bien, ça, c'est un complot. Dans les justifications qu'elle apporte aux événements, des éléments parfaitement avérés sont entremêlés avec des éléments inexacts ou parfois même non vérifiés. Metal Gear Solid. Invérifiables, pour la plupart des cas, voire carrément mensongers. Il y en a qui n'hésitent même pas de ce côté-là. Mais le fait qu'une argumentation ait des parties exactes n'a jamais suffi à rendre l'ensemble lui-même véridique. Un de ceux qui a le mieux contribué à cette théorisation, si on peut qualifier cette méthode ainsi, c'est Charles Fort. Alors, lui, c'est marrant parce que, alors, fin 19e, début 20e, c'est un écrivain qui passait son temps à examiner tous les faits qui passaient, tout ce qui était un peu insolite, donc les pluies de grenouilles, effectivement, tout ce qui est disparition. Et un jour, il s'est dit, je vais me donner 8 ans pour exceller dans toutes les sciences, ça a son importance. Et il avait aussi une tendance à défendre plein d'histoires, de thèses indéfendables, hein, par exemple la Terre plate, hein, justement. Et surtout, lui, ce qu'il aimait, c'est défendre des thèses absurdes, mais avec tout un ensemble d'arguments très, très, très divers qui viennent de partout. Et justement, il a fait un livre, Le Livre et des damnés, et il recense une multitude de faits, téléportation, puits de poissons, des ovnis aussi. Et en fait, pour défendre ses thèses, il faisait ce qu'on appelle des millefeuilles argumentatives, c'est-à-dire que c'est un empilement de preuves qui sont très très diverses. C'est très fragile, mais le fait de les empiler, en fait, de rajouter des preuves, une preuve par-dessus une autre, bah, ça donne une impression de vérité, de solidité. Voilà. Ça donne un argumentaire. Et après, si. Ouais. Oui. Ouais, et après, si on applique ça aux théories du complot, justement. Bah, la problématique principale pour affronter cette théorie, c'est qu'il faut parer la quantité de, justement, de données à ingurgiter, parce que l'effet millefeuille, c'est vraiment rajouter des couches, et au bout d'un moment, on est submergé par toutes ces infos. C'est une technique rhétorique qui vise à intimider celui qui est confronté, juste dans le but de le convaincre. Il s'agit de lui donner une série d'arguments empruntés à des champs très diversifiés de la connaissance, pour remplacer la qualité de l'argumentation par une quantité d'arguments phénoménale. On va faire appel à l'histoire, à la géopolitique, à la physique, à la biologie. Tous les leviers des sciences connues sont actionnés, mais sans jamais vraiment rentrer dans un détail hyper précis. Il s'agit de créer l'impression que, vu tous les arguments recensés, tout ceci ne peut pas être faux. C'est les phrases qui reviennent tout ça. Voilà, c'est systématiquement, on va entendre « Ouais, il n'y a pas de fumée sans feu » ou « Ah, bah, le fameux « comme par hasard ». Voilà. Merci, c'est trop facile. Voilà. On joue ainsi, oui, exactement. On joue ainsi sur la mutualisation des arguments hasardeux et la création d'un sentiment d'interdépendance probable entre elles. À force de les mettre en bout à bout, fatalement, les gens vont assimiler le fait que l'une devient la cause de l'autre. Pourtant, le hasard et l'improbable sont parfaitement compatibles. Ce n'est qu'une question de taille et d'échantillon. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre des damnés de Fort. Ça retranscrit parfaitement le trouble ou l'incertitude à laquelle on est confronté sans y être vraiment préparé. On est face à un type de croyance construite à partir d'une somme d'arguments faibles, pris séparément, mais dont la multitude, une fois rassemblée, donne un semblant de cohérence. Et alors, il y a aussi les mécanismes de pensée qui peuvent amener au discours complotiste. Alors, est-ce que vous connaissez les biais cognitifs ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'en citer ? Non. Non, pas du tout. Ah, mais il y en a qui sont connus, hein, pourtant. Oui, mais là. Par exemple, est-ce que vous connaissez. Les biais cognitifs. L'effet Barnum. Est-ce que vous connaissez l'effet Barnum ? Non. Ça me parle. Ouais, l'effet Barnum, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans les horoscopes. C'est en fait une vague description de soi-même. On se reconnaît dans un truc assez vague. En fait, voilà, c'est exactement. Ça, accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à soi-même. Par exemple, je lis un horoscope et je me dis, mais c'est tout à fait moi, alors que c'est juste trois phrases prises au hasard. C'est un peu. Tu es genre cancer comme. C'est un peu un générateur. Voilà. Est-ce que vous connaissez. Alors, il y a un biais qui s'appelle le biais d'ancrage mental. C'est tout bête, mais c'est l'influence laissée par la première impression. On vous dit souvent, bah, la première impression est la meilleure. Et donc voilà, c'est souvent ce qui est le cas. Et pour les théories du complot, il y a par exemple le biais de représentativité qui s'applique. C'est quand on fonde son jugement sur un petit nombre d'éléments qu'on considère comme représentatifs de la population. C'est-à-dire, en gros, c'est la tendance qu'on a à généraliser. On va dire, tel média a été pris en flagrant délit de mensonge, donc tous les médias mentent. C'est le fait de généraliser à partir d'un petit échantillon. Ouais. Bah ouais, carrément. Donnez pas d'argent à Mediapart. Les médias ont quand même tendance à relayer tous la même information. Oui, alors voilà. Il y en a par exemple qui le font pas bien, mais il y a des médias qui font plutôt bien leur travail. Et on peut pas les mettre tous dans le sac. Médias indépendants ? Médias indépendants, hein ? Ouais. Mediapart. On rigole, mais ancien, ça arrive beaucoup que les informations soient relayées avec des erreurs, en fait, parce que c'est mal traduit. C'est pas des domaines qui sont hyper simples. Bien sûr. Donc les mecs, c'est relayé mal, quoi, en fait. Oui, mais il y a relayé mal, puis l'impardonnable. Si on revient sur le Meuporg, par exemple, c'est impardonnable de ne pas taper sur Google MMORPG et de voir qu'on disait de la merde. D'autant plus impardonnable de dire, après coup, si, mais j'ai fait mes recherches, mais c'était vrai ce que j'ai dit, même si c'était faux. Oui, voilà, oui, et de ne pas s'excuser. Oui. Bah, après, je pense que c'est plus un problème de prononciation sur le moment et qu'il n'a pas voulu dire, en fait, je me suis planté. Non, mais il n'y avait pas que la prononciation. Il disait que ça rendait les gens cons et violents. Pareil, avec de quoi William Ménagie, il ne fait que t'étrangler. Oui, c'est plus rapide. Alors, il y a d'autres biais cognitifs, par exemple l'assimilation biaisée, c'est accepter plus facilement des preuves qui vont dans l'autre sens, tout simplement. Par exemple, ces preuves accréditent ma théorie, donc je vais leur faire confiance. Mais si ces mêmes preuves n'accréditent pas ma théorie, bah, je ne vais pas leur faire confiance, alors que ça reste les mêmes preuves. Il y a aussi un phénomène de simplification de la complexité, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments. Puis on va... Le hasard d'Occam un peu. De quoi Oui, alors il y a le hasard d'Occam qui s'applique. L'histoire la plus probable est sûrement la bonne. La plus simple est souvent la bonne. Plus simple est souvent la bonne. Simplifier la complexité, on va expliquer un maximum de choses en regroupant sous une même cause. Il y a machin, on va dire plutôt que ce soit trois choses différentes, on va les mettre sous une même cause et on va expliquer ça avec une narration. Alors il y a aussi par exemple des motivations personnelles. Pourquoi les gens croient au complot, par exemple, parce que c'est un besoin de contrôle. Croire aux théories, ça permet de retrouver une forme de contrôle face à l'incertitude. De compréhension de son univers. Ouais, ça permet de se rassurer, de se dire qu'il y a d'un côté, il y a les méchants qui font les méchants dans leur coin. Vrai, et qu'il y a les gentils, nous, voilà. Ouais, et, ce qui est vrai aussi. Ça permet de rejeter la responsabilité d'un malheur sur quelqu'un d'autre, hein, par exemple. Alors, les stats. Ouais. Le méchant. Alors, bien dans le micro. Pour lui. C'est lui le gentil. C'est lui le gentil. Oui. Mais il a tort parce que c'est lui le méchant. Oui. Et nous, super héros. Non. Il y a par exemple aussi, c'est une forme de distinction face aux autres. Tu as l'impression de connaître une information qui est rare, unique, que les autres ne connaissent pas. Ouais. Et au final, tu te donnes une position privilégiée de quelqu'un qui sait. Tu dis, après, dis aux autres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories du complot. C'est ouais, il y a quelque chose caché derrière la lune, personne ne le sait. Mais comment toi, tu le sais déjà? De là à cracher sur l'homéopathie. Bon. Mais tu vois, c'est les gens qui vont dire. L'homéopathie, mais... ça marche. Ça peut pas être faux. Vive l'arnica, c'est bon, c'est du, mais c'est ouais, bon sucre. Putain, prenez du sucre. C'est du bon sucre, oui, exactement. J'aime bien en plus. Prenez du sucre et du fromage. Diabète friendly. Bah, en gros, c'est les gens qui vont dire moi je sais les choses et ouvrez les yeux, moi je sais, bah vous. Voilà, On vous conseille la chaîne YouTube de Lavier, du coup. Ah oui, avec sa fameuse vidéo homosexualité et gluten, qui est très incroyable. Et donc, comment se construisent les discours? J'aurais jamais cru dire ça. Une vidéo par jour, une connerie par jour. Non, plus d'une connerie par jour. Ah ouais, je pense que ça mérite qu'on le présente en deux phrases, parce que je vois Valérie qui fait des grands yeux. Frédéric Delavier, c'est un mec. C'est si tu regardes Frédéric Delavier, ouais. Et il fait une vidéo par jour. Et c'est hypnotisant tellement c'est de la merde. C'est pourquoi les. C'est quoi, pourquoi les noirs flottent et les blancs coulent, un truc comme ça. Le mec te sort une connerie à force. Ah ouais, il y a eu un vieux regard qui est sorti de la cuisine de Béa, mon gars. Il est vachement suivi en plus, ce mec. Il est très productif. C'est pour lui. De quoi, des noirs? On est encore au. Ou des gens qui flottent, je sais pas. Moi, je suis arrêté à la Grèce là, donc j'ai perdu le fil. On est encore au temps de la caverne, tu vois. On est encore la femme sort pour aller chercher la calorie. L'homme va. C'est texto, il le dit texto. Hein. L'homme a été habitué à la chasse et tout. Fait, non, on a un peu évolué. Et il a donné naissance aux Landais. Pourquoi alors si c'était pourquoi les femmes sont pourquoi les hommes sont contre l'immigration alors que les femmes sont plutôt pour. C'est comme ça, les femmes elles ont plus de choix de reproduction et que les hommes sont contre parce que ceux qui viennent extérieur en général ils sont plus costauds. Voilà. Et tu fais ferme ta gueule. Je l'avais jamais vu comme un théoricien du complot, mais en fait il si on résume bien, les femmes sont des salopes, grosso modo. Il l'a dit. Hein. Oui. Pourquoi les femmes sont des salopes? Je crois qu'il dit texto, les femmes sont des salopes, mais pour le bien de l'humanité. Voilà. Si c'est utile alors. Est-ce qu'il dit tienne ta femme? Il a un Tipeee. Oui, là. Oui. Donne argent. Je sais pas si c'est complot ou pas. À choisir, donner à celui que je sais pas si c'est complot ou pas, faire. Mais il est très pote avec Soral. Et je donnerai une association pour la protection des femmes battues. Bon, bref. Pour la pourquoi? Pour le Tipeee. Pourquoi les protéger? on va continuer parce qu'on pourrait. Si elles sont battues, c'est qu'elles sont nourries logées déjà de base. Une association protectrice des femmes battues. Ah non, c'est les hommes battus. C'est ça. Mais ça dépend, oui. C'est les hommes battus, on en parle moins, c'est un complot. Mais c'est tout aussi problématique. Plus. Non, tout autant. Si, on est des hommes, merde, quand même. Ça va dans notre sens. Ouais, on est tous égaux, mais les hommes plus. Ouais, voilà. C'est voilà. Surtout les hommes. J'ai un copain homme. T'as des copains, toi? Ah, bravo. Et pourtant, je fais tout pour. Des hommes dans les bistrots, s'ils nous qu'on paye. Salut, Cobal. Il est là ou pas? Non, il est pas là. Mais non, il est au bistrot. Ah oui. Eh oui, avec Revan. Bon, on va continuer un peu parce qu'il y a quand même. Oh putain. Bonjour à Yapo. Hein. Oh, elle est moche celle-là. Bon, celle-là, elle pique. Je continue, sinon on est là jusqu'à 22h. J'ai pas envie. On est là jusqu'à 22h. Alors, comment se construisent les discours? Avec des fachos. La narration. Ce qu'ils veulent, les théoriciens du complot, selon Gérald Bronner, hein, sociologue, c'est qualifier, enfin, construire un discours qui soit cohérent, massif. Sécurisant, et pour ce faire, donc, c'est un processus qui va se passer en plusieurs phases. Ils vont recueillir plein d'événements ou des faits bruts et les combiner ensemble. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est plus intéressant que CVT, quand même. C'est plus intéressant que Gandalf. Ils vont créer une forme de structure narrative. Une forme, en fait, le but, c'est de créer une histoire avec ces éléments, et donc pour prouver que les faits en question sont forcément liés les uns aux autres. Et dans un dernier temps, ils vont montrer que derrière tout ça, derrière ce complot, il y a une volonté cachée des jeunes gens, des intentions. Et pas des gens forcément cités. C'est plus de genre Men in Black, quoi. C'est un groupe. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Ouais, ça légitime le fait qu'on ne peut pas le savoir. Donc, c'est caché, c'est derrière. C'est ça, les idées. Et justement, ils vont toujours s'opposer à la version officielle des événements. Ça, c'est très important. Et en fait, il y a deux choses. D'un côté, ils vont garder des données qui sont aberrantes, c'est-à-dire des données qui peuvent pas être expliquées ou qui vont entrer en contradiction avec les éléments connus. Et du coup, bah, de facto, ça va devenir des preuves pour eux. Et, après, est-ce que c'est pas important d'avoir quand même un contre-discours? Ça peut être intéressant. Non, mais lui, on s'en fout. Non, mais lui, on s'en branle. On perd un sociétos. Clairement, les sociétos ici, ils comptent pour du beurre. Tu vas récupérer un micro, gueule pas. Donnez-lui à voir. Quelqu'un pour aller creuser déjà dans le jardin, parce que en plus c'est le plus grand, on va y avoir du boulot. Et merde. Et aussi il y a un truc, c'est que les théoriciens du complot, tout ce qui est la fameuse phrase du c'est trop beau pour être vrai, en fait tout ce qui est tous les éléments qui collent trop près à la version, là ils vont dire bah c'est faux, voilà, ils vont rejeter ces éléments là. Alors dans tout ça, il y a quand même un inconvénient, c'est dans le fait qu'à force de faire grandir la pile d'arguments, certains finissent par être complètement contradictoires et on ouvre une petite porte à la cause de leur apparition. On va se demander quelles sont les causes d'apparition des théories du complot et pourquoi ça gagne du terrain et pourquoi ça progresse. Déjà, on peut distinguer deux types de causes. On a les causes générales, les structurelles, celles qui expliquent une réceptivité plus grande de nos contemporains aux idées conspirationnistes. Par exemple, on a la perte de confiance dans les informations officielles. Tout à l'heure, on a dit un média donne une information qui est à moitié moisie. Bon, bah, tous les médias sont pourris. C'est vrai qu'on adore Philippe qui nous parle des complots. Non, mais qu'on n'ait plus confiance dans les médias, ça s'explique assez bien, hein, s'ils faisaient bien leur boulot. Mais on peut éventuellement remettre en cause la bonne foi des médias par un principe qu'on verra peut-être tout à l'heure et qu'on essaiera d'expliquer, qui est l'exclusivité de l'information. Moi, c'est pas tellement la bonne foi, c'est plutôt l'impartialité que je remets en cause. Exactement. Oui, mais ça tient aussi. Mais n'empêche que par ce biais, tu mets en doute la véracité du propos. Il n'y a pas de mal à remettre en doute. Mais on est d'accord. C'est simplement que. Exactement. Ah ouais, carrément. Putain, on est rentré direct avec les catholiques là. En général, c'est plutôt eux qui rentrent. Ouais, c'est chaud. Voilà, donc eux, ils rentrent par la petite porte. Donc en premier lieu, on a cette perte de confiance dans les informations officielles, qu'elles soient politiques, scientifiques, médiatiques, comme on disait, mais aussi le rôle d'Internet, par exemple, dans la diffusion des savoirs alternatifs. La crise de confiance encore inégalée dans les institutions, ça nous amène à une corruption des hommes politiques et à des mensonges divers. Une défiance des médias mainstream et le rôle prédominant d'Internet. Pour la multiplication des sources, après, péremptoire, je vais te laisser continuer. Plus de sources d'informations, donc trop de concurrence, donc baisse de la qualité de l'information, du temps de vérification, c'est important aussi. Puis surtout, monter aussi tout ce qui est médias alternatifs, hein, des Breitbart. Toi, tu parlais de... Panamza, Euro... Euro-Khalifa. Ah oui, Euro-Khalifa, c'était le haut du panier. Ça, c'était... Les mecs, quand on te dit que t'es raciste, si t'es raciste niveau Euro-Khalifa, là, t'es raciste turbo. C'est les mecs, j'étais... T'aimes pas les poissons. T'aimes pas les japonaigres. Pas vrai, il parlait de l'Europe. Ouais. Bah ouais. Fait les mecs, en fait, tu lisais les textes, en fait, les trucs que tu dis sur Twitter à l'époque, c'était moins, pour te dire. La Ligue du Lost, c'est des gentils, en fait. Oui, complètement. D'accord. Mais je rigole même pas quand je dis ça. Vive Henri Michel. Bon, je vais accélérer parce que faut pas que ce soit trop long non plus. Il y a par exemple ce qui est intéressant, c'est le rôle des algorithmes. On n'y pense pas, mais ça fait beaucoup. Sur Google, les sites anti-vaccins, des anti-vax sont plutôt mis en avant par rapport aux autres. Mais ça va être, ça va. YouTube, alors, YouTube fait des efforts là-dessus. Ils veulent faire des efforts. Je parle de Google là. Oui, mais Google, YouTube, c'est un peu la même maison. Ouais, c'est pas les mêmes. Mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas les mêmes algorithmes. Mais par exemple sur YouTube, fin janvier, ils annonçaient réduire justement le. Alors, la recommandation des contenus. Voilà, ils les mettront plus en haut de la liste. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les retirer. Non, oui. Mais ils seront moins mis en avant. De la même façon que quand tu mets un film piraté sur YouTube, ils le laissent environ le son, juste pour avoir plus de vues et continuer à monétiser des trucs. Bah oui. C'est des cons. Sur Amazon, il y avait eu un algorithme qui mettait en avant des livres anti-vaccins aussi. Il y en a un qui est devenu un best-seller d'ailleurs. Et surtout, c'est Facebook. Hein. Vertov, tu en as parlé, toi, sur Twitter. Oui, mais c'était justement par rapport à Complot Facile qui avait tweeté suite au Facebook il y a quelques jours, au moment où on enregistre, ouais. Où t'avais, tout le monde disait ouais, justement, il y a eu un bug de Facebook de Gilets jaunes, comme par hasard, je peux pas commenter ni envoyer des trucs, et ils ont que ça comme moyen de discussion, Facebook. Et sinon, il y a les forums, les SMS, il y a d'autres moyens de communication sur Twitter. Il y a quelques jours, il y a une conversation avec Hubert Teuil, j'y ai pas eu accès pendant 3 heures. Complot. Comme par hasard. Anti-Brexit. Complot. Ah oui. Voilà, et puis après, il faut juste noter que sur Facebook, en fait, tous les éléments que tu vois, en fait, c'est des contenus qui sont chauds, c'est-à-dire où il y a beaucoup de complots les plus chauds de ta région. Et partagés sans aucune vérification de l'utilisateur. C'est souvent les contenus qui, où les gens participent le plus parce que c'est les contenus les plus émotionnels en fait. Ouais. Dès qu'il y a de l'émotion, les gens ils font ça. Et surtout, ils scrollent le titre. Oui. Ah bon, moi aussi. C'est pas drôle. Oui. Oh, c'est pas drôle. Moi, je dis que le titre de l'émission, je l'écoute pas. Ouais. Alors, comment ça fonctionne encore un tout petit peu plus, toutes ces théories du complot, elles sont juste basées sur l'adhésion des gens. C'est des esprits, des personnes qui sont peut-être un peu perdues des fois, quoiqu'on n'est pas vraiment encore sûr du profil type. Il y a différentes études qui amènent sur des profils différents, où les gens ont simplement de bonnes raisons de croire. Ils n'hésitent plus à entrer en défiance pour n'importe quelle cause. C'est des gens rejetés plutôt ? Il peut y avoir tous les profils. Que tu sois rejeté, que tu sois un CSP+, j'ai failli dire une connerie, mais hein, ouais. Voilà. Vas-y, dis-la. Que tu sois de podcastéo. Ah, par exemple, on a un cas simple. Ouais, non, c'est pas écrit sur le texte. Non, mais non, c'est un complot avec des femmes immédiatement. Voilà. par exemple, on va prendre un cas simple et d'actualité. On en parlait tout à l'heure. C'est la réapparition en masse des cas de rougeole qui sont liés à une défiance vis-à-vis des vaccinations ciblées pour cette maladie. Alors, d'actualité, il y a 2 mois. Oui. Il y a 2 mois. Non, parce que l'épidémie s'est propagée. Ah ouais. Eh oui, mais non, mais faut rester dans le mood, les gars. Hein. Putain, bande de fachos. Il y a eu aussi une épidémie de rougeole l'année dernière. Pardon ? La rougeole, il y en a eu une épidémie l'année dernière. Oui. Mais tout ça, c'est parti. Une fois tous les ans, c'est cool. Tout ça, c'est parti uniquement sur une étude qui a été menée un tout petit peu à la légère, où on a fait le rapprochement entre un vaccin qui a amené derrière, enfin, c'est même pas dire amener derrière quelque chose, c'est même pas vrai. C'est simplement qu'on a créé une relation de cause à effet qui n'est pas forcément prouvée scientifiquement et que personne n'a vérifié. On a dit, ah, cette personne est atteinte d'autisme et bizarrement, ah ben ouais, ben elle a été vaccinée contre la... elle a reçu le vaccin elle contre la rougeole. Elle avait mangé des frites la veille aussi. Comme par hasard. Et là, tu dis, ben comme par hasard, les gens font le lien de cause à effet. Alors que si elle serait pas née, ben elle l'aurait pas eu. Merci. Non mais tu rigoles, mais ça fait... D'accord. Ce manque de préservatif peut créer l'autisme. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, les personnes touchées sont en réalité moins victimes du virus en lui-même que de la suspicion des personnes en charge de leurs responsabilités à l'époque de la vaccination. Alors, tout à l'heure, je disais, on parlait des couches sociales et du profil type. Est-ce qu'il y en a vraiment ? Est-ce qu'on a vraiment un profil type du croyant, de la personne qui est susceptible de croire ou pas ? L'adhésion aux théories du complot, ce n'est pas forcément un signe d'un intellect plus faible que la moyenne, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Plusieurs complot, on veut nous le faire croire. Oui, voilà. Mais déjà, parler de la théorie du complot, c'est en soi, aux yeux de ceux qui défendent les thèses qu'on évoque, rentrer dans le jeu de l'anti-complot. On fait partie de ceux qui ne veulent pas être avec eux. Faut bien comprendre que quand on est dans la théorie du complot, qu'on rentre dans une discussion de ce type-là, il n'y a pas de juste milieu, on n'est pas neutre. C'est soit on est avec eux, soit on est contre eux. Et quel que soit le bord où on est, si ça se trouve, moi je suis simplement quelqu'un qui pense qu'il faut réfléchir sur les théories du complot et je vais rentrer dans un cadre complètement différent de gens qui estiment que leur théorie à eux, c'est la réalité. Et pour moi, pour eux, je suis un complotiste. Voilà, ce qui est vrai. Ben exactement. Ben regarde, j'écoute Étienne Chouard. Vote Asselineau. Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, ouais. Hein, franchement. Voilà. Pas du tout. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, si honnêtement, tu veux ma position sur le Frexit ? Non, on s'en fout. Voilà. Mais voilà. Ben, très bien. Moi, ça me dérange pas. Et par contre, on réussit à sortir à travers différentes. Toi, t'es pour le Frexit, mais de certaines personnes uniquement. Les noirs, principalement. Les autistes. Les autistes. Les asiatiques nègres. J'ai tellement d'images qui me passent par la tête à chaque fois qu'on cite un type de personne. Enfin, c'est. Voilà. Ah, avec une cravate qui parle du machine learning devant plein de monde. Non, Laurent Alexandre. J'ai pas la référence. Non, je sais pas. Moi, je l'ai. D'accord. Oui, mais je fais une fixation dessus. Ça devrait t'aider. Donc, on parlait d'intellect soi-disant plus faible, de jeunes, de rejetés, de perdus de la société. On a des études qui ressortent en fait une tendance qui va dans le sens inverse de cette idée reçue. Et là, on parle bien d'idées reçues. On parlait du biais cognitif et donc c'est justement sur la première impression. C'est les classes qui comptent des gens à niveau de diplôme élevé sont susceptibles elles aussi d'abriter des personnalités adhérant plus ou moins facilement aux théories complotistes. Ces gens, de par leur savoir, enfin, le fait qu'ils sachent savoir, se place implicitement au-dessus fatalement de ce qu'on va appeler une plèbe, et donc vont carrément théoriser autour de ça et mettre les gens à l'écart. Et après, on a vraiment un profil type du complotiste ? Non, en fait, non, tout à fait, Maryse, il n'y a pas de titre profil type du complotiste. Non, mais en vrai, dans les médias, il faut faire attention, parce que genre, il y avait eu un reportage d'Envoyé spécial qui a été critiqué. Parce que, sur glyphosate, non, peut-être, non ? Non, c'était juste après Charlie Hebdo, justement, et le profil type, c'était machin est jeune, il est peu diplômé, et il est plutôt pauvre. Hein. Tu vois, c'était, il a gilet jaune. Voilà, oh non, c'était il y a 4 ans, déjà. Et puis, mais pour les chercheurs... Il achète des dragibus. Mais justement, les chercheurs en sciences sociales, pour eux, bah, il n'y a pas forcément de... On ne peut pas catégoriser d'un côté les esprits simples et les ignorants. Oh si. C'est trop simple de penser comme Facebook ça. Facebook et Twitter. Mais après... Ouf. Je te laisse sur ces bons mots. Instagram. Et en fait, juste aussi, voir un complot ou derrière un drame ou un désastre, c'est pas forcément irrationnel. Hein. Ça permet déjà de construire du sens, on l'a dit. Mm. Mais en fait, à une moindre échelle, on est tous enclins à raisonner de manière complotiste, conspirationniste. Alors, à une moindre échelle. Hein. Mais par exemple, j'ai des mauvaises notes en anglais, la prof est contre moi, tous les profs sont contre moi, sont ligués contre moi. C'est des façons de penser. Ça fait de mal à personne. Non, non. Ah, bien sûr, on peut pas comparer avec mon septembre. Ouais. Ouais. Alors, je pourrais peut-être t'aider. Parce que quel est le contraire d'Alfred ? C'est sa question. C'est un grec. Alors, c'est quoi la Grèce ? Non, non. Si on part du principe que le fait. T'as emprisonné ton chou. Le fait d'éventuellement croire à un complot fait de toi un complotiste, donc quelqu'un. Donc quelqu'un qui est, disons, qui pointait du doigt en tant que tel, ouais. Comment tu fais pour, si tu essayes de ne pas être complotiste, donc pour ne pas être pointé en tant que tel, pour te rendre compte qu'il y a réellement un complot face à toi ? Ah, compris. Oh là, je pourrais répéter la question. Il y a Tocho, il a fait le con, on n'a pas suivi. Ils suivent pas, ils suivent pas. On commence. Viens, on s'en va, Ludo, ils suivent pas. Non, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Non, c'est de l'heure. Si, en fait... On voit bien, on se rend bien compte que être complotiste, c'est plutôt pas bien. Enfin, globalement, on te pointe du doigt quand t'es complotiste. On te dit, toi, t'es complotiste. De toute façon, tu crois à tous les complots. Bon, alors, en partant de ce principe-là, les gens essayent de pas être complotistes. Genre, ouais. Ils se foutent de la gueule des gens qui croient au complot. Oui, oui, hein. Donc, si t'es comme ça, donc le jour où il y a vraiment un complot face à toi, comment tu fais pour le voir ? Oui, est-ce que pointer du doigt les complotistes ? Est-ce que dans la somme des complots, il peut pas en avoir un vrai ? Bah c'est pas empêcher la remise en question. Vrai. Le Watergate, c'était un complot qui était complètement vrai, hein, par exemple. Mais Est-ce que stigmatiser les complotistes, c'est pas se piéger à une sorte de vérité qu'on te fera bouffer de toute façon ? Ouais. La question est très claire. La question est claire, mais quelle que soit la réponse, de toute façon, elle sera jamais forcément super satisfaisante. Oui, mais voilà. Ouais. C'est vrai que stigmatiser le complot, c'est aussi prendre un risque. Le Watergate. Ouais. Je pense que les gars qui pensaient au scandale par rapport au Watergate ou au complot, avec tout ce que vous avez cité, on pouvait démonter leurs arguments. Comme Benalla. Et pourtant, ils avaient raison, les gars. Oui. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Mais après, c'est vrai que... Après, on va rentrer dans clairement l'attitude qu'il faut avoir face aux théories du complot à ce moment-là. C'est, t'as pas 50 000 solutions. Je dirais pas l'attitude qu'il faut avoir. On va montrer les réponses possibles qu'on peut éventuellement avoir. Alors, vas-y. Alors, du côté du gouvernement, il y a eu pas mal de politiques publiques qui ont été mises en place. Par exemple, des sites comme On te manipule. Alors, moi, je suis pas allé. Oui, moi, je suis allé voir. Oui, c'est purement un site gouvernemental où. Implicitement, on vous met en garde contre les théories du complot et on vous affiche clairement une opinion et on vous dit ça c'est catalogué comme théorie du complot et ainsi de suite. On vous laisse pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, on vous donne pas des sources pour aller vous faire une idée. Et c'est le problème de la théorie du complot. C'est de la pensée unique. Ça. Voilà. C'est de la danger. On pense ce qu'on veut de ça. Honnêtement, moi je peux pas prendre parti là-dessus. On parle de théorie du complot. Moi, je vais te donner une réponse. C'est va te faire une idée. C'est pas ce que le site te dit. Je me permettrai pas. Va te faire avoir chez les Grecs. Chez les Grecs. Va te faire enculer. Voilà. C'est un peu radical que Bibi X-Files quand même. Mais après, quand tu analyses tout ça, c'est des efforts à mettre en place. Mais le site dont tu nous parles, c'est pas ce qu'il fait. Il te dit c'est ça la vérité. C'est là que c'est dangereux. Il ne te dit pas, voici différentes choses. Mais attention, c'est le site du gouvernement, les gars. Demain, c'est la doxa. Ça crée le complot. C'est d'autant pire, quoi. Enfin, mais, d'autant pire, oui. Mais je suis d'accord. Mais là, vous êtes en train de faire vous-même une théorie du complot. Non, non. Si. C'est pas une théorie si, du complot. Tu es en train on de dit dire... pas qu'il y a un complot. On dit que si on t'enlève le libre arbitre et qu'on te dit arrête de réfléchir, ça devient dangereux. Mais le site, on te manipule. C'est simplement un millefeuille argumentatif où on te donne tous les éléments pour te faire comprendre que tout ce que tu lis est un complot. On a un complot dans le complot. C'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, vous êtes des complotistes. Vous êtes en train de remettre en doute ou en question la légitimité de l'État à vous mettre en garde contre une théorie du complot. Est-ce que c'est pas le propre de la personne intelligente de remettre tout en doute? De chercher par elle-même ses preuves. Oui, mais bien sûr. Mais c'est se détacher de la réalité. C'est un peu ce qu'on avait dans l'allégorie de la caverne. C'est de prendre du recul sur les choses et de les analyser. Mais le problème de pas tout ça... Pas de la réalité. Hein. Non, D'une réalité. Une réalité avec des informations. Mais pour tout ça, il faut prendre du recul. Il faut analyser. Il faut avoir les compétences aussi. Il faut savoir comprendre. C'est-à-dire que pour analyser un événement, il faut sûrement se renseigner avant sur la manière de l'événement. C'est quand même, on n'est plus dans une démocratie de croyants, on est dans une démocratie de sachants. Et là, on va consommer du temps. Et c'est d'ailleurs un des gros freins pour les gens qui essayent de rentrer dans la mise en morceaux des théories du complot. Là, il y a un moment où il faut être courageux, il faut savoir prendre du temps. Il faut vouloir prendre du temps, il faut vouloir s'investir et il faut surtout répondre point par point. Une théorie du complot, si vous démontez le millefeuille point par point, normalement, à la fin, on a une réponse objective. Je ne dis pas qu'elle est orientée d'un côté ou de l'autre, mais elle est objective. La meilleure réponse qu'on peut faire à une théorie du complot, c'est de s'y intéresser finalement, ce n'est pas de la rejeter. C'est d'essayer de comprendre comment on y est arrivé. Parce que dans tous les points du millefeuille, il y en a peut-être qui sont quand même où on peut discuter et expliquer aux gens. Oui, bien sûr. Vous avez tort, vous êtes des cons. Et souvent, le problème qu'il y a, c'est que dans les théories du complot, il y a toujours un élément dedans qui est un peu ridicule ou grotesque pour faire que si une personne s'y intéresse, on puisse la ridiculiser. Bien sûr. C'est le problème de la personne justement qui veut rentrer dans la défense ou aller contre cette théorie du complot. Il est de fait un opposant à cette théorie, c'est orienté. Il n'y a plus de parti pris. Tout à l'heure, je disais, il n'y a pas de position neutre. On est soit pour, on est soit contre. Voilà. J'accélère parce que là, on commence à... Non, il n'y a pas de soucis. Excusez-nous de nous intéresser à votre rubrique. Non, on est là pour ça, les gars. Mais c'est vrai que ces gens qui s'intéressent. On va reparler de la Grèce, puis on vous emmerde. On a beaucoup de pages. Mais voilà, donc il se passe plein de trucs. Il y a eu... C'est plutôt raccord. D'ailleurs, j'y vais. C'est parti. Allez, au revoir. Je reviens après peut-être. En fait, là, il se passe plein de choses. Il y a pas mal de colloques, de conférences sur le thème. Donc, repérer les théories, réagir face aux théories du complot. Et puis ça va continuer parce qu'on faire des vidéos fake pour te faire dire tout et n'importe quoi à des personnalités. Donc. Mais surtout, excuse-moi. Surtout, ce que je constate, c'est que l'inverse du complot, c'est-à-dire l'inverse du complotiste, ça devient le gars qui, sur Twitter, balance quelque chose et il faut que tout le monde soit d'accord avec lui. Sinon, il devient complotiste. Exactement. On enferme les gens. C'est un peu la dictature du « tu dois penser comme moi ». On parlait de pensée unique tout à l'heure, vous étiez en plein dedans. Si tu ne penses pas comme moi, fatalement, t'es complotiste. Et que tu sois, j'allais dire, du bon ou du mauvais côté de la barrière, que tu sois d'un côté ou l'autre de la barrière. Il n'y a plus de libre arbitre. À partir du moment où tu as le malheur de mettre en relief les choses et d'essayer de les expliquer rationnellement et avec les moyens que tu as, tu vas fatalement te heurter à une horde de gens qui va être fatalement beaucoup plus nombreuses que toi, parce qu'il ne faut pas rêver, les complotistes sont minoritaires. Affichés, les complotistes sont majoritaires. Les gens qui veulent démonter les théories du complot sont minoritaires. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où rien que de dire « je pense qu'on ne nous dit pas tout », tu te fais laminer la gueule. Oui, mais... Par les médias notamment. Ça dépend aussi de l'environnement que tu as, je pense. Aussi. Parce que tu es mieux vu si tu es anti-complotiste que complotiste. C'est ça. Donc même quelqu'un qui... C'est un peu comme le principe du mec qui vote FN. Parce qu'il y a un côté rassurant dans la réalité. Il n'y a jamais personne qui vote FN quand tu leur demandes. Non. Mais il y en a. Donc les complotistes, c'est pareil. Il n'y a jamais un type qui est complotiste. En revanche, il y a plein de gens qui croient au complot. Après, démonter le complot, c'est... Est-ce qu'on a besoin de démonter un complot? Je dirais juste s'intéresser à pourquoi et aux gens. Moi je dis se mettre à y penser. Moi je dis comme David, c'est pourquoi est-ce qu'on se poserait pas autour d'une table et qu'on essaierait de discuter calmement entre gens adultes. tout simplement. Parce que là, on rentre dans un autre problème qui est le problème qu'il y a aussi dans la religion. C'est, je vais pas, non, je vais la pas, pédophilie. Non, j'allais pas justement. Merci les enfants. J'allais pas parler de ça. Non, c'est simplement que on a en face à face des gens qui croient quelque chose de totalement opposé, qui en sont persuadés, qui sont pas pris au dialogue. Ouais. Et qui vont te dire de toute façon t'es con. Si tu penses ça, t'es con. Oui, ça c'est des gens qui sont enfermés dans des convictions. Mais est-ce que des dogmes. Oui, mais est-ce que pour autant c'est condamnable? La meilleure manière de s'affranchir de ça, c'est d'essayer de discuter avec eux. Et c'est là où je dis que c'est difficile, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Oui, ça peut quand tu tombes sur un mur... Ça peut faire peur aussi, de remettre en question des choses. C'est possible aussi. Oui, sortir de sa zone de confort, c'est ça aussi. Ouais. Regarde, mais les gens ont besoin de croire à quelque chose. En septembre, hein. Tout à l'heure, la version officielle est rassurante. Pour les gens qui ont perdu des proches, c'est peut-être plus rassurant de penser que c'était gouvernants qui ont machin. C'est rien de rassurant. Oui. Et pourtant, si tu veux démonter la théorie du 11 septembre, et il y a juste un point d'attaque qui est relativement intéressant, mais qui demande à faire un appel à des connaissances plutôt pointues en thermodynamique, c'est simplement que les structures de poutres des bâtiments qui soutenaient le bâtiment ne pouvaient fondre qu'à une certaine température. Voilà. Et le kérosène en combustion ne monte pas à cette température. Oui, même la façon dont tombe, en fait, il y a plusieurs choses qui font que, à un moment donné, sans être dans les théories du complot complètement folles, je peux pas me dire que c'était aussi simple, entre guillemets, deux avions. Ouais, mais se poser la question, à la limite, c'est légitime. C'est pas grave, c'est logique. Mais il y a quand même quelqu'un qui a dit, alors je sais plus si c'est Alain, qui disait, est-ce qu'il faut croire ce qu'on pense ou est-ce qu'il faut qu'on pense à ce qu'on croit. Les peu de gens qui ont essayé de parler de ces sujets-là, on les a ridiculisés publiquement à la télé, on a foutu leur carrière quasiment en l'air. Bon, ça casse au vide, c'est bigard, on les a laminés, quoi. Voilà, voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la théorie du complot. Alors, on n'avait pas la prétention avec cher péremptoire de vous faire un cours magistral là-dessus. On va quand même raconter des blagues parce qu'on était trop sérieux. C'est un juif. C'était quand même plutôt compliqué. Le calendrier nous a pas forcément beaucoup aidé. Oui, ça, c'est vrai. Par contre, s'il y a une lecture que moi, je peux recommander, que Péremptoire m'a communiqué pour participer à la construction de ce dossier, c'est ce dont je parlais le mois dernier, c'est la démocratie des crédules de Gérald Bronner. Voilà. C'est quelque chose de plutôt bien écrit, de plutôt facile à aborder, c'est toujours très bien explicité, à mon sens. Je vous encourage à aller vous faire une idée. Et si vous voulez débattre de ce sujet-là, eh bien, écoutez, retrouvez-nous autour de l'apéro original. Oui. Mais ça vaut pas le Stargate de Saddam Hussein. Ah oui, on a quand même, un petit florilage. Si t'en as bien deux ou trois là. Ton petit préféré. On va revenir sur un pays qui est rentré dans l'Union européenne en 95. Alors bien sûr, le CERN a créé le Grand Collisionneur de Hadron dans le but de réveiller le grand dieu Osiris, hein, bien sûr. La Lune n'existe pas, c'est un hologramme. Et bien sûr, les dinos auraient créé les pyramides. C'est intéressant ça aussi. Mais mon préféré, la Finlande n'existe pas. Il y a rien, c'est juste vide et c'est juste un complot des Chinois pour s'introduire en Europe, en fait, c'est ça. Non, pour avoir toute la mainmise sur les ressources de poissons ils sont de mèche avec la Russie. Tout ça paraît assez logique pour l'instant. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon. Pour faire des sushis. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Donc la Finlande n'existe pas, donc attention à vos prochaines vacances. Voilà, c'est tout pour nous. Merci. Alors, les Chinois qui font des sushis, on termine sur un beau préjugé quand même. On peut pas, c'est culturel. C'est vrai que c'est toujours des Chinois. En réalité, c'est des Japonais. Oui, mais dans un resto japonais, c'est toujours des Chinois. C'est des Japonais gras. Oh. C'est tout pour moi. Drop the mic. Ouais. Oui, c'est bon. Ah oui, allez-y, non. Allez-y. Moi, j'allais faire pipi. C'est fini, là. Il y a mon quiz et autant te dire qu'il est un petit peu long, hein, désolé. Mais... Ah non, c'est cool. Moi, j'attends juste le signal du mec qui présente. Mais c'est surtout, ouais, lui, il s'endort. Là, c'est un sujet qui est quand même un peu dur. Il faut vraiment bien connaître le sujet. Il est passionnant. C'est très intéressant. Alors, moi, j'attendais les awards. Non. Les awards de canard. Les awards de complot. Ah oui. La graisse de awards. D'autres exemples. Oui, c'est bon ça. Pardon, excuse-moi. Il y a plein d'exemples. Question à nos invités. De complot. Le mec qui a voulu envoyer une fusée pour prouver que la Terre était plate, mais il n'a jamais réussi. Sa seule excuse, c'est que je n'y ai pas réussi. Oui, ça, il n'a pas essayé de lancer sa fusée, puis en fait, il a eu un accident. Et ouais. Il n'y a pas un truc comme ça. Où... Du coup, il pense encore que la Terre est plate. Alors après, pour les platistes, moi, je vais vous renvoyer dans un autre podcast qui s'appelle L'apéro du capitaine et que sûrement ceux qui écoutent doivent écouter. Ceux qui nous écoutent doivent écouter l'apéro du capitaine. C'est la théorie du docteur Quantos quand même où la c'est d'une fulgurance phénoménale et je pense que ça règle tous les problèmes Le docteur Quantos c'est vraiment. Moi je vous laisse découvrir ça. Je sais plus dans quel épisode c'est. C'est dans les plus récents là, les deux ou trois derniers. L'adresse pour jouer pour trouver le. L'apéro du capitaine. http://apéro du capitaine.net. T'es trop feignant, alors tu vas te faire ton propre avis par bien toi-même. J'ai eu peur, je croyais que je devais y retourner. Tu vas aller te faire encadrer. Et ça va, Ludo? Chez les Grecs. C'est la deuxième fois que ça pique. Un peu de mitosie, et hop. Mais dès qu'il sera cicatrisé, recommence. Faut pas attendre. The question for the MVT. Ah, ça continue? Non. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Donc voilà, dans ces ce grand moment que tous les podcasts nous envient, enfin. Mmh. Surtout Pépé. Surtout Pépé. Mmh. Oh, super. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Mathilde. Oui, faut choisir alors. Attention, il va te demander un numéro, je sais, c'est compliqué. Entre 1 et 93. Pour toi, j'ai jamais de numéro. T'es numéro 6. Le 6 ? Ah non, c'est lui qui a dit ça. Non, il ne je parle ne suis pas, pas un numéro. Je suis un homme libre. 78. Que vous voulez, des renseignements. Vous n'en aurez pas. Alors, 78. Ta-ta-ta. Je vais faire de la trompette, j'arrive. Peut-on accuser la mort d'usage de faux ? Ah, malin Randall Flagg. Eh ben, ça dépend comment on l'écrit. C'est pas Randall Flagg, je crois. C'est pas lui. C'est pas précisé, c'est que c'est pas précisé. Ah. Donc c'est ça ta réponse, ça dépend comment ça s'écrit. Comment ça s'écrit quoi? Ça dépend si c'est Azertov qui tape la question. Une fox ou une fox? F-A-U-X. P-H-O et faux. P-H-O. De la soupe alors? Enfin, c'est ça là. T'es à elle, facho. Facho. Je disais rien. Non, t'as pas besoin. Monsieur David. Le 6. Je ne suis pas un numéro. Quel est ton dernier cauchemar? Toi. Oh. Ah, c'était tellement évident. Que les draps sont sous l'homme. Oh. Ouais. J'ai fait un pentacle. Ça, c'est drôle. On t'a fait le carton avec la route au bus. C'est ça. Je me suis fait modifier. Pimp my ass. Pimp my ass. Pimp my ass. Mon gland. Oh, tu veux. Question suivante. On sera à Ludo maintenant. Le 58. Jusqu'où les chauves se lavent le visage? C'est un bel plaque. Au-dessus de l'endroit où ça se fronce quand tu. Ah. La plus sûre. Ouais, tu fronces le front. Il y a beaucoup de front. Hein. Ouais. Là où t'as plus de rides. Ouais, ouais. Là où c'est vraiment très. Là où c'est brillant. Ouais. C'est l'aéroport à mouche. Ouais. Junjun. 85. Ouais, il est invité lui. C'est quoi tu dis? 85. Ouais, c'est la bandée. Non, c'est bon. Selon un récent sondage, combien d'Américains ont répondu oui à la question quel temps fera-t-il demain? On doit être sur un petit 85%. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Et maintenant, Valérie, pour finir. 93. Représente ou. Non, on l'a déjà fait. On l'a fait. 91. Est-ce que sucer, c'est manger? Eh bien non. C'est pas livré par Deliveroo. Non, mais ça dépend jusqu'à quel moment. Chez Choupa Choup, si. Au bout d'un moment, ça peut éventuellement. Faut pas mâcher, quoi. Faut pas se faire rayer le casque, quoi. C'est ça, quoi. Et une autre Vous voulez encore d'autres Ouais, on les fait toutes. Allez, on les fait toutes. Allez, on les dans l'ordre. David, allez, David. Hein? Non, c'est Mathilde. Mathilde, allez. Encore un petit peu. 63. Mmh. Bien joué. Moi j'aurais dit l'un. C'est un questionnaire géographique. Alors là je vais le faire parce que c'est une question de prononciation. 20 ou 20 20. VIN. Je suis catégorique. 20. Bah, 20 quoi. Je suis catholique. je suis catholique. 20. David. 65. 65. Est-ce qu'on peut pleurer sous l'eau? Oui. On dirait que le mec pleure tous les jours. C'est vraiment une question de merde, je suis déçu. Mais ça ne se voit pas. Si. Des larmes de sang, ça se voit dans tes films d'horreur, ça ne se voit. Des larmes de sang? Ah oui, mais il faut préciser. Ouais. Pleurer du sang. Ou de la pisse. Le 21. On n'a pas vu les mêmes films. Pardon, excuse-moi, je n'écoutais pas. Combien? 21. À quelle heure passe le bus? Le bus. Non, le bus. Le bus. Le bus. À quelle heure passe le bus? Pourquoi on le laisse animer? Ça, c'est Randall Flagg, je crois. Hein. Oui, c'est Randall. Mais j'en sais rien. Je prends pas le bus. Regarde sur ton application. Putain, mais renseigne-toi, fais-toi un avis. Tu fais partie du complot, bordel. Antibus, ouais. Moi, je prends l'avion. Antibus, c'était un romain, ça, ou un grec? Superbus. C'est Antigone. Un finlandais. Superbus. Un légionnaire romain. Monsieur Jonjon. Petit bus. Alors, comment appelle-t-on une année où il y a 5 saisons? Ouais. C'est beau, c'est fin. Ça se met à le fameux 5 saisons de Vivaldi. Magnifique. Le navigateur? C'était pas Wagner, les 5 saisons? Ah, si. Ouais, Eric. 44. Ou Beethoven, je sais pas, j'ai confondu. Celui qui était. Quand une voiture était sourde. Est-ce que l'air à l'intérieur. Tant, parce que t'as tout le monde qui parle en même temps. Vas-y. Quand une voiture. Est-ce que l'air à l'intérieur des pneus roule? Bien sûr, toujours. Ouais, d'accord. Bon, le roue roule, hein, voilà. Allez, une autre. La roue tourne. Non, la roue tourne, elle tourne. On vote? Maintenant, il va falloir passer au. De toute façon, même à deux, ce serait pas assez. Donc maintenant, on va passer alors. Aux questions des auditeurs. Allez, aux questions des auditeurs, parce qu'il y en a plein. Arthur Froment, il va sûrement te poser des questions. On va rien comprendre. C'est tellement vrai, c'est ça. Le salaud. Donc normalement c'est à Monsieur Asto. Non mais bien c'est Asto et c'est un test. Oui. Car les connaissances cette fois-ci inutiles, c'est-à-dire. Ouais. Que, c'est un quiz de savoir inutile. Ah ça on est bon là-dedans. C'est bien. Ouais. David Guetta. Pas du tout. Oui, un peu trop de notes. Donc, c'est un quiz de savoir inutile. Est-ce que vous avez joué à Portal 2? Oui. Non. Dans Portal 2, à un moment, vous rencontrez des processeurs. Il y a un processeur qui s'appelle la sphère info, ou le processeur de savoir inutile, qui débite à une vitesse pas possible des phrases qui veulent plus ou moins rien dire, en fait, des affirmations qui sont plus ou moins vraies. Mais ce sont des processeurs ils sont un peu corrompus, c'est pour ça qu'il des fois il dit des trucs un peu débiles. Donc, je te propose de mettre l'intro pour que vous vous rendez compte un peu de l'étendue des dégâts. Vous êtes dans une situation très dangereuse. Vous avez 87,6% de chance de mourir dans les 5 prochaines minutes. Vous avez 87,6% de chance de mourir violemment dans les 5 prochaines minutes. Vous allez entraîner ma mort. Nous allons mourir tous les deux suite à votre négligence. Votre plan est voué à l'échec. Il va certainement vous tuer dans d'atroces conditions. Il va certainement vous tuer. Vous allez bientôt mourir. La situation est désespérée. Vous allez mourir dans cette salle. Ça ne vous ferait pas de mal de perdre quelques kilos. La sphère info est la plus intelligente des sphères. La sphère info est la plus belle des sphères. La sphère info est d'une beauté sidérante. La sphère info a toujours raison. La sphère aventure est un fanfaron doublé d'un lâche. La sphère espace l'espace n'ira jamais dans l'espace. Vous n'irez jamais dans l'espace. Info. L'espace n'existe pas. Les sphères qui tiennent à aller dans l'espace sont inférieures aux autres. La sphère info est une personne moralement et intellectuellement remarquable. La sphère info est une bonne sphère qui a de nombreux amis. Le gagnant de ce combat démontrera sa supériorité et obtiendra l'allégeance de la sphère info. La sphère info n'est pas défectueuse. Ses infos sont exactes et vraiment très intéressantes. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, stylo, stylo, stylo, stylo, accordé. Stylo, stylo, stylo, pomme, orange, foie, green, contact, mandarine, citron, citron vert, avocat, tomate, banane, papaye, goyave, erreur, erreur. Erreur. Fichier introuvable. Erreur. Erreur. Erreur. Info introuvable. Info introuvable. Corruption. C'est donc 25%. Corruption. 50%. Alerte. Corruption de la sphère à 20. Le fil dentaire résiste parfaitement à la traction. La racine carrée de corps des ficelles. Bien que le sous-marin surpasse le bateau à quasiment deux points de vue, il m'a tout mis. Alors là, moi, je ne sais plus du tout où je suis et qui je suis. Donc voilà, la sphère, elle est un peu corrompue. Donc maintenant, elle va vous dire des trucs et vous allez devoir me dire si ce qu'elle dit est effectivement vrai. Ah oui, d'accord. Ouais. Si ce qu'elle dit est effectivement vrai ou non. Donc, mais les un par un, hein, parce que sinon ça va aller beaucoup trop vite, puisque les morceaux durent à peu près 2 secondes. Oui. Le fil dentaire résiste parfaitement à l'attraction. Est-ce que le fil dentaire résiste parfaitement à l'attraction ? Oui. À l'attraction de. De quoi ? À l'attraction. Elle n'est pas finie la phrase là. L'attraction terrestre. L'attraction. À l'attraction. Si tu tires. Est-ce que tu peux tirer quelque chose avec le fil dentaire ? Ça dépend de l'attraction. À la plus loin, traction. À la plus loin, traction. Oui, mais d'accord, mais si c'est un camion qui tire ou un mec ou. Il faut la norme de l'attraction. Moi, oui. Je dis oui. Ça dépend. Je monte. A priori, oui. On ne sait pas. Il faudrait calculer un petit peu le. Alors moi, je dis non. Simplement pour conclure. Voilà. C'est totalement vrai aussi parce que oui, peut-être que tu peux pas tirer un camion avec du fil dentaire, effectivement. Bah, allez, on va essayer. Allez. Voilà. Debout. Allez. Vas-y, mets le deuxième. La racine carrée de corps des ficelles. Quoi hein attends, la racine carrée de corps des ficelles. Oui. La racine carrée de corps des ficelles. Est-ce que la racine carrée de corde est ficelle? Bon, oui. Totalement, puisque ouais, c'est un torrent de cornes et ah, fait de ficelles. Ah, j'ai vu, oui, d'accord, ok, comme ça. Oui. Oui. Oui. On va savoir si ficelle au carré multiplié par ficelle au carré donne corde. C'est ça. Ouais. Ficelle fois ficelle, ça fait corde. Mathilde n'a rien bité du tout là. Non. Mais il y en a une spéciale pour Mathilde un peu plus tard. Ah. 6 fois 2. Donc la racine carrée de corde, pour vous, c'est ficelle ? C'est validé ? Oui. Ok, bon, bah on peut partir sur ça, si vous voulez. Tu sais pas, en fait. Ah, je sais pas forcément les réponses. D'accord. Là, pour moi, c'est juste un truc complètement absurde. Hein. Ah, on peut pour dire moi, oui tout le temps, en fait. D'accord. Tu peux dire oui tout le temps, si tu veux. Vas-y, morceau 3. Oui. Bien oui. Que le sous-marin surpasse le bateau à quasiment deux points de vue, ce dernier représente plus de 97% des voyages transaquatiques. Oui. Alors, je l'ai remis. Oui. Ça va un peu que le sous-marin surpasse le bateau à quasiment deux points de vue, ce dernier représente plus de 97% des voyages transaquatiques. Oui, bah seulement 97. Des voyages, franchement, pas transatlantiques. Je te la refais. Subaquatique. Oui. Bien qu'il surpasse le bateau en tout point de vue. Hop, attends. Bien que le sous-marin surpasse le bateau à quasiment tout point de vue, ce dernier représente plus de 97% des voyages transaquatiques. Oui, c'est évident. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce est-ce qu'on parle de la durée des voyages parce qu'un sous-marin qui se barre pendant 6 mois. Il est tout le temps dans l'eau. Est-ce qu'on pourrait pas juste dire oui et passer cette rubrique le plus vite possible? Non. C'est. Un pourcentage, en fait, c'est pas, je pense pas qu'on parle de durée, je pense plutôt qu'on parle de nombre de voyages. Il y a plus souvent dans l'eau des sous-marins que de bateaux, quoi. Ah, il y a énormément de bateaux. Ouais, mais beaucoup de sous-marins. Mais la question, c'est ça, c'est de savoir s'il y a plus de sous-marins que de bateaux. La question, en fait, c'est que le sous-marin, c'est vachement mieux que le bateau. Ouais. Pourtant, 97% des voyages transaquatiques, c'est en bateau et pas en sous-marin. C'est dans l'autre. Oui, mais alors, qui c'est qui dit que c'est mieux, les sous-marins? Et vu qu'on les voit pas, c'est difficile de savoir. Oui, parce que en termes, par exemple, de sécurité, ouais. Le sous-marin, c'est moyen quand même. Pour prendre l'air, c'est moins bien. Alors, pour un fumeur, par exemple. Tu vas pas sortir. Tu tapes le carreau et. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. Tu réfléchis. Bah, tu vas sur le balcon. Tu réfléchis. Prends l'air, attends. Ah oui. Alors j'en sais rien du tout, j'ai pas pu vérifier les infos sur le nombre, sur le pourcentage de voyages transaquatiques que ce soit monsieur, vérifiez vos informations, ah ouais, non, vous donnez voilà. Naissance à des théories du complot comme ça. Donc c'est possible que c'est possible. Question suivante. Les téléphones portables ne donnent pas le cancer, seulement l'hépatite. Bah oui. Alors, le téléphone portable ne donne pas le cancer, seulement l'hépatite. Bah oui. Ça dépend laquelle. Ça paraît logique. A, B, C. D. Bah non, c'est l'hépatite G. L'hépatite 5S. Comme alors là, c'est peut-être un complot, hein, pour le coup. Mais enfin, pour moi, c'est plutôt faux quand même. Ça me paraît plutôt faux. Pour revenir sur la théorie du complot et sur les influences, par exemple, des ondes électromagnétiques, c'est... Oui, sur les électrosensibles, c'est du côté de chez Orange ou SFR, je ne me souviens plus, ils avaient installé une antenne qui n'était pas encore branchée. Et les gens qui étaient dans une zone de 100 mètres se plaignaient déjà de nausées, de maux de tête, enfin d'effets électrosensibles. De diarrhée. D'hépatite, de diarrhée. Voilà, par exemple. Et pour info, les phénomènes électrosensibles en fait, grandissent avec le carré de la distance. Et donc dans un rayon ficelle. Dans un rayon d'un kilomètre, les gens étaient affectés de la même manière que ceux qui étaient dans le rayon de 100 mètres. Alors que normalement, ils auraient dû être affectés beaucoup moins. Le fait est que cette antenne n'était pas branchée et que donc il ne pouvait y avoir aucun phénomène. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'on peut reprendre du début ? Peut-être qu'elle était branchée. Pour ça, il aurait pu falloir aller vérifier. Et on ne peut pas. Voilà. Complot. Et tous ceux qui ont assisté à ça sont morts de l'hépatite depuis. Et comme par hasard, ça vient de ceux qui gagnent de l'argent avec ces études. Donc, réponse, peut-être un début de complot. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Merci les Normands. C'est bien les avis tranchés. Hein ouais. Vas-y, dans une étude... ça va trancher. Question suivante. Dans une étude gouvernementale, ça fait tâche quand même. Le pantalon fut inventé au XVIe siècle pour éviter la colère de Poséidon. En effet, la vie de marin nu donne de l'urticaire au dieu de la mer. On est tout à fait d'accord avec la dernière partie. Le proctologue au début, il dit non, il dit, vas-y, remets-la. Le pantalon fut inventé au XVIe siècle pour éviter la colère de Poséidon. En effet, la vie de marin nu donne de l'urticaire au dieu de la mer. Le pantalon fut inventé au XVIe siècle pour éviter la colère de Poséidon. En effet, la vue de marin nu donnait de l'urticaire au dieu de la mer. Avant le XVIe siècle, les mecs étaient tous à poil. Selon la sphère info, oui. Tous. Est-ce que ça vous semble probable ou non, pas la sphère info est toujours juste. Au XVIe siècle. Elle a dit qu'elle avait toujours raison, la sphère info. J'ai bien aimé voir les Terre Neuve à poil sur le Grand Nord. Je suis quasiment sûr que les dieux n'ont pas d'urticaire. C'est des dieux. Non, mais Christophe Colomb, par exemple, en 1492, il avait un froc, le mec, non? Au moins des collants, quoi. Un caleçon, il était en caleçon. Ils étaient tous en caleçon. Les Indiens, ils sont tous morts. Il était avec sa bite et son couteau. Exactement. Il a découvert l'Amérique avec sa bite et son couteau. Non, bien sûr. Là, pour le coup, c'est faux. Puisque même au paléolithique, ils ont déjà retrouvé des pantalons. Donc, même les dinosaures. Les dinosaures. Et pour construire les pyramides, il fallait se protéger. Ils savaient se tenir quand même, les dinosaures. Pas non plus. Pas déconner. Des casques de chantier. Ouais, des chaussures de sécurité. Au cas où la pierre tombait sur le pied. Attends, ça douille. Question suivante. Des grues, des géomètres. La masse atomique du germanium est de 72,64. Oui, la masse atomique du germanium est de 72,4. La masse atomique du germanium est de 72,64. Je dirais le germanium. Germanium. Germanium, c'est un bouquin. Je sais pas, t'as une liste des éléments périodiques sur la main. C'est comme le Necronomicon. C'est pareil. Toi-même. Mais plus allemand. Plus allemand, par contre. C'est ça. Alors, je vois Pépé qui est en train de chercher la réponse. Je vais te donner la réponse. 72,64. Exactement. Donc la sphère info est totalement juste. La masse atomique du germanium est effectivement de 72,64. Et à quoi ça sert le germanium ? Je n'ai pas la moindre idée. À faire parler les cons. Voilà, ça c'était la bonne réponse. Tu peux passer à la question suivante. 89% des tours de magie relèvent non de la magie, mais de la sorcellerie. Ah ouais, carrément. Elle se foutrait pas un peu de notre gueule, ta sphère info ? Oui. D'accord. Enfin, 89. Ça c'est à 100% quand même. 89 des tours de magie ne relèvent pas de la magie, mais de la sorcellerie. Bah non, c'est clair. Ça relève de Patrick Sébastien à la plupart du temps. Bien sûr que si. D'ailleurs, Terry Pratchett dirait la même chose. Oui, mais il n'est pas là pour le dire. Bah, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il fout ? Il attend Snoop. Hein ? Donc, a priori, non, c'est faux. Ou à moins que ce soit un nouveau complot. Il faut demander à Sylvain Mirouf. Ah, exactement. Putain, tu ressors les morts. Sylvain Mirouf. Je cherchais un nom tout à l'heure, en fait, j'hésitais avec Didier Gustin. Tu vois, c'est pour dire. Ouais. C'est pas les mêmes. Sylvain Mirouf, tiens, cherche donc sur Google. Putain, c'était mon idole quand j'avais 5 ans, Sylvain Mirouf. 6,4. Ouais, c'est pas cool. Lui la marionnette cool. De Jeff Panaclock. Moi, j'ai trouvé cool Sylvain Mirouf. Ils l'ont foutu au placard du jour au lendemain, le pauvre. Donc, le temps qu'il trouve Et Gérard Majax, tu regarderas après. Tu peux passer à la question suivante, je pense, en attendant. L'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. Oui. L'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. Oui, évident. Pour info, l'œil d'une autruche fait à peu près 5 cm de diamètre. Et l'œuf est plus gros aussi. Oui. Que l'autruche ? Légèrement. Un peu plus gros. Que l'autruche. Vous avez l'air d'être d'accord. Et effectivement, l'œil de l'autruche est effectivement plus gros que son cerveau. Alors, question suivante. Dans la mythologie grecque, Dédale tuait à des ailes pour faire bisquer un groupe de minotaures. Ouais. Pour faire biscuit ? Pour faire bisquer. Ah, okay. Ça veut dire faire rager. Biscarage. Ah oui, oui. Moi, je connaissais Biscarage. Dédale, c'est le créateur du labyrinthe où au fond il y a le Minotaure. Et le coup des ailes, c'est Icare. Donc, a priori, non, c'est faux. Non, ouais. C'est carrément de la merde. C'est carrément faux. Question suivante. Mythologiquement parlant. Sylvain Mirou. Survivre sous l'eau, mais pas très longtemps. Vas-y, pardon. Sylvain Mirou a joué dans Camping Paradis. Voilà. Sans déconner, il en est là. Camping Paradis, on est là aussi. C'est pas possible, c'est de là, ça va. Il a abandonné sa carrière de. Les humains peuvent survivre sous l'eau, mais pas très longtemps. Bah oui. Les humains peuvent survivre sous l'eau, mais pas très longtemps. Bah oui, dans la forme de l'eau. Ça dépend lesquels. Moi, si tu joues à Subnautica, par exemple. Si tu joues dans le Grand Bleu. Je pense qu'à peu près tous les humains peuvent survivre sous l'eau. Ouais. Plus ou moins longtemps. Regarde Cobal. Pas très longtemps. Ça fait des années qu'ils survivent sous l'eau. Et particulièrement sous l'eau en permanence. Et depuis longtemps, du coup, lui. Bah ouais. Oui. Lui, il tient l'apnée. Question suivante. Recep, dieu de la guerre cananéen, avait une gazelle qui lui poussait sur le front. Une gazelle ? Ouais. C'est chaud. Hein. Ouais. Non, je crois que c'était une biche plutôt. C'était pas une paire de couilles. C'était pas une licorne ? Bah, c'est pareil. Donc Recep, le dieu de la guerre cananéen, avait une gazelle qui lui poussait sur le front. Moi je dis que c'est vrai. Moi aussi, ça me choquerait pas qu'ils aient bien une religion qui croit ce genre de truc. C'est Artemis qui est sorti de la cuisse de Zeus. C'est Artemis, hein. Ou je sais plus, mais de Jupiter. Ouais. Ouais. Entre les Grecs et les Romains. Et les autres, là. Entre les Grecs et les planètes. Les Grecs et les Japonais, quelle différence. C'est Aphrodite hein, qui est sortie de la cuisse de Jupiter. Non, Aphrodite. Elle est sortie de ma cuisine la semaine dernière. Ah, ça, c'est Ève qui est sortie de la côte d'Adam. Donc, c'était faux. Non, il n'a pas une gazelle qui lui pousse sur le front. Par contre, il est représenté avec des cornes de gazelle. Dans les représentations, il est représenté avec des cornes de gazelle. C'est Hellboy. C'est très bon, la corne de gazelle. Maintenant, tu diras plus c'était faux, mais c'est alfo. C'est alfa chaud. Pour faire du placement de produit. Et c'est alfa chaud d'abord. Oh merde. Je connais qui va être content d'être venu. Et la question suivante. Le pluriel de cheval est chevaux. Le pluriel de portail est un vin liquoreux de la péninsule ibérique. Ça c'est drôle. C'est faux, mais c'est drôle. Mais c'est faux. La première partie est plutôt vraie. Ah oui. La deuxième partie est plutôt fausse. C'est ça. Même si ça existe, c'est pas le pluriel. Question suivante, du coup. Après, les ARN polymérase 1 permettent la synthèse de longs ARN ribosomiques. Allez, Mathilde. Oui. C'est toi la scientifique de la table, alors vas-y. Répétez, j'ai mal entendu le. La 12 ou la 13 ouais. Non, vas-y. Les ARN polymérase 1 permettent la synthèse de longs ARN ribosomiques. Donc les ARN. Ça parle à ADN. Donc, c'est les pattes des ADN. Les ARN polymérase 1 permettent la synthèse de longs ARN ribosomiques. Je dirais que oui, parce que si on fait la. Ouais. Enfin, oui. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais c'est vrai. Oh, si, c'est le truc de l'ADN. T'as jamais été en SVT. Non, mais en plus, très peu. Je suppose que si t'en mets bout à bout, t'en fais un long. Alors, ça dépend. SVT, c'est le premier niveau. Hein. Si c'est une année bisextile ou pas. Parce que selon, ça change. Ouais. Grille pas les questions aux invités, merde. Suivant dans quel hémisphère on se trouve. C'est... Donc maintenant, vous le savez, les ARN polymérase 1 permettent la synthèse de longs ARN ribosomiques. Ouais. Vous dormirez moins con, même si vous savez toujours pas ce que c'est. On le savait déjà. Non, mais on savait. Question suivante. Les rats sont incapables de vomir. Oui. Les rats ? Oui. T'en mets un là à la bière ? Ils vomissent pas. C'est pour ça qu'ils meurent comme des cons quand on leur. Les rats sont incapables de vomir. Ils n'ont pas le réflexe de. Je sais plus comment c'est. Régurgiter. De déglu. Oui, mais c'est pas régurgiter, c'est quand t'es hématophobe. Et un réflexe. Ouais, enfin, je sais plus si c'est dans leur. Hématique, leur estomac. Ils vont vomir en termes scientifiques. Arrête, parce qu'après, on va apprendre des trucs dans l'émission. En fait, ils n'ont pas le réflexe de vomir. Mais c'est vrai, effectivement, les rats sont incapables de vomir. Question suivante. Un iguane peut rester sous l'eau pendant 28,7 minutes. Oui. Ça dépend lequel, mais... ça dépend lequel. Un seul, ouais. Ça me semble. Dans le monde, il n'y en a qu'un qui est capable de faire ça. Il y a un iguane qui est capable. C'est un très grand bleu. C'est équipable. Ou en plus, s'il est équipé de bouteilles. Exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il part dans l'eau à l'envers. Il part pas au pied. Mais effectivement, c'est vrai. Et selon les races d'iguanes, il y en a qui peuvent même tenir beaucoup plus longtemps, a priori. Hein. Ce qu'on vient de te dire. Le ver solitaire peut atteindre 23 mètres dans le corps humain. Ah, Georges, Georges, Georges, une pensée pour toi. Attends, j'envoie un DM à Révan, je veux la réponse. Alors combien? C'est la mieux placée. 23 mètres. C'est déjà un bon ver. Ouais, ça fait plus que ce qu'on a d'intestin. C'est pas semble, possible. Moi, ça me semble pas. Ouais, je pense que oui. Bien entendu, je pense que ça passe. Un ver solitaire peut atteindre très, très 23 mètres dans le corps humain. Ah, au niveau des intestins, on en a des quand même beaucoup. On n'a pas autant d'intestins, c'est pas possible. Ah si. Ouais, mais si. Peut-être qu'il peut s'entortiller. On n'a pas 23 mètres d'intestin. Il peut peut-être s'entortiller. Non, mais c'est long quand même, les intestins. Oui, mais c'est genre 12 mètres. Je sais pas. Et si on ouvrait Gandalf pour savoir. Débarrassez la table, s'il vous plaît. Tu commences à t'inquiéter quand il sort des deux bouts. Oui. Non, mais je dirais qu'on a à peu près 12 mètres d'intestin. Alors, est-ce que ça peut s'entortiller pour faire un aller-retour complet, quoi. Un aller-retour de 12 mètres. Ouais. 24. C'est à 24. Je lui donne pas la réponse. Oh, ça va, je savais, ça, quand même. Non. Si, je savais, j'allais le dire. Ah ouais, d'accord. 24 fois 2. 48. Le paradoxe du chat de Schrödinger postule une situation dans laquelle un chat prisonnier à l'intérieur d'une boîte est à la fois mort et vivant. Schrödinger s'est servi de ce paradoxe pour pouvoir tuer des chats impunément. Bah oui. Oh bah c'est oui. Oui. Comme beaucoup de scientifiques, c'est un être cruel et qui fait des expériences. Et maintenant, on va essayer avec Gandalf. Allez. Dans la boîte. Le carton. Donc, je n'ai trouvé aucune trace comme quoi son expérience servait à tuer des chats. Donc, a priori, c'était plutôt faux quand même. Pas drôle, malheureusement. Chaque centimètre carré de peau humaine comporte en moyenne 5 millions de bactéries. Ça, c'est oui, bien possible, ça dépend de l'humain. Non. J'ai rien dit. Ah, putain, mais ça... J'ai pas entendu. Franchement, c'est passé tellement fort que j'en ai encore mal au crâne. Vous pouvez répéter. J'ai une tempête dans la tête, mon gars. Tu veux que je relance? Oh oui, vas-y, relance. Chaque centimètre carré de peau humaine comporte en moyenne 5 millions de bactéries. Ah oui. Oui. Ouais, certains au moins. Hein. Ah, c'est ça que t'as dit. Non. Si. Non, ça, il a dit ça dépend de l'humain. Dépend ouais, de l'humain. Ouais, ouais. Alors, comme tu dis, ça dépend de l'humain, mais a priori, on est plus sur 1 million par centimètre carré. Plus ouais, que 5 millions. Déjà pas mal. Hein. Mm. Moi, j'en connais un, 5 millions. Et tu vois pourquoi il faut pas se faire de câlins, en fait. C'est, on mélange ces bactéries. Quoi. Bah quoi? Convoi exceptionnel de bactéries. Bah, c'est ça. Elle descend. Le soleil est 330 fois plus grand que la Terre. C'est vrai. Le soleil est 330 fois plus grand que la Terre. Je m'en précise comme chiffre. Ouais. C'est pointu. Hein, justement, je trouve ça bien. 330 comme 000. C'est simple, ça c'est rond. 330 330. Bon, bah, on arrondit. Non, je le verrais pas. Non. Moi, pas si grand. Je le verrais pas si gros. Pas un chiffre avec que des 300 000. Énorme. Deux ouais. Fois, c'est vrai. Non, c'est plutôt faux. Le diamètre du Soleil est 109 fois plus grand que le diamètre de la Terre. Ce qui est déjà beaucoup. Beau soleil, ce qui est déjà beaucoup. Mais 330 330, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça en fait des continents là-bas. Ça dépend de où on se place. On est dedans. Hein. On est dedans. L'espérance de vie moyenne d'un rhinocéros en captivité est de 15 ans. Je trouve. C'est ouais, presque ça. Trop, je trouve. Mais si on s'y prend bien, on peut même réduire. Ouais. Ouais. Je trouve ça presque trop par rapport à... Coupe la corne. Déjà, c'est ça. Sans ouais. Protéger. Coupe la corne, faisant de la poudre tip-tip, ça tue. Comme bon. Spielberg, pareil. Ouais. Non, honnêtement, je sais pas, mais déjà, la proposition d'un rhinocéros en captivité, ouais, c'est déjà, c'est pas trippant. Ouais, ouais. Spielberg, salaud. Je n'ai pas le chiffre pour un rhinocéros en captivité, mais dans son milieu naturel, c'est entre 35 et 50 ans. Ouais, bah alors, en captivité, ça doit être vrai. Non, c'est sûr. Parce que c'est possible, hein. Moins c'est possible que ce soit deux fois moins. Les croquettes, mais... Germain. Les croquettes pour chat, pour rhinocéros, les c'est pas facile. Hein. Les croquettes au thon, il n'est pas prêt, rhino. Et puis, alors, je te raconte pas la prochaine. Les vultanologues ont tous les oreilles pointues. Pardon, tu disais. Ah, ça, c'est des vulcains. C'est, bon. C'est drôle. Celle-là, on a envie qu'elle soit vraie. Ouais. Donc faux, a priori. C'est faux, mais c'est excessivement drôle. Oui, mais la sphère info est aussi parfois un petit peu drôle. Il en reste combien? Elle est taquine. Beaucoup, il y en a 66 au total. Je crois. Oh la vache, on est à 22. Vas-y. Les avocats sont les plus riches de tous les fruits. Mais c'est vrai en plus parce que c'est hyper gras l'avocat. Surtout s'il s'appelle du pomoretti. Et les plus menteurs aussi. Eh bien oui, c'est vrai. Il aura à la réécoute. C'est le plus calorique de tous les fruits, en effet. Les avocats sont les plus riches de tous les fruits et de toutes les professions libérales. Oui. Eh bien, une deuxième fois, oui. J'ai eu un doute au début en me disant, mais putain, mais j'ai pas cliqué sur le même. J'ai dit celle-là. Donc, oui. Donc oui et non. Ouais. A priori, les avocats dont on connaît le nom, ils sont assez riches. Sinon, a priori, ouais. C'est plutôt les notaires les plus... Les mieux lotis en termes de profession libérale. Dont on connaît aussi les noms. La révolution de la Lune autour de la Terre dure 27,32 jours. Oui. Non, 27,32. Non, attends, la révolution de la Lune. Donc ça veut dire que ça implique pas les pleines lunes et les. Sans lunes, si, hein. Justement. Mais si, c'est en 27 jours. Ouais, et... Si, je crois que c'est ça. Enfin, peut-être pas le chiffre exact, mais c'est une 27 ou 28 jours. Ça doit être vrai. Non, c'est faux. Ah. C'est vrai. C'est la rotation de la Lune sur elle-même qui dure 27,32 jours. Ah oui, c'est ça. Ouais. Comme les règles. Et sinon, c'est 29,5 jours pour la rotation de la Lune autour de la Terre. La fin des règles. La milliardième décimale de pi est 9. J'en ai pas la moindre idée. Allez, Mathilde. Il y a trop de chiffres, la milliardième décimale de pi, c'est 9. J'ai pas trouvé l'info. T'as pas regardé, là, il allez, pi. Qui calcule bah non, qui va sur Wikipédia. Alors, la prochaine, c'est pour Mathilde. Ah. Si vous avez du mal en calcul mental, il y a un moyen mnémotechnique tout simple. 1 plus 2 plus 60 plus 12 moins 6 millions n'est pas égal à 504. Voilà. Vous pouvez maintenant effectuer facilement des opérations arithmétiques complexes de tête. Mon Dieu, j'ai une révélation. Ça y est. J'ai tout compris. Je crois qu'on a perdu quelqu'un. C'est vrai. Et maintenant, Mathilde va vous rappeler comment calculer votre distance de sécurité en conduisant. Mais je sais toujours pas, d'ailleurs. Hein. Non, mais tu peux toujours répéter la connerie que tu m'avais sortie. Qu'il faut calculer la moitié de sa vitesse par deux. Non. Je multiplie par deux la moitié de ma vitesse. C'est brillant. Double opération pour une connerie. Bravo. J'étais sûre d'être dans le vrai. On a perdu la régie. Je multiplie par deux. Quoi donc? La moitié de ma vitesse. L'homme régie est mort. Je jonglerai aussi. Je divise ma vitesse. Je la multiplie par deux. Mais sinon, c'était vrai. Hein. Donc, l'opération qui disait, ça faisait pas 504. Hein. Au cas où. Sérieux? Tu peux la remettre pour toucher quand même. Si vous avez du mal en calcul mental, il y a un moyen mnémotechnique tout simple. 1 plus 2 plus 60 plus 12 moins 6 millions n'est pas égal à 504. Voilà. Vous pouvez maintenant effectuer facilement des opérations arithmétiques complexes de tête. Oui, c'est la alors là, autour 59 millions et quelques. Autour de la table, t'as un mec des chiffres et des lettres, il répond très sérieusement. Ah oui, si t'as Jean-Marc. Oui, c'était Jean-Marc qui répondait. Si t'as Jean-Marc des chiffres et des lettres. Ah oui, je suis sûr que non. Je suis sûr que lui, il dirait. Ouais, il prendrait même pas la peine de. Il dirait 9 lettres. Ah, on passe à la suite là, les lettres. Bonjour Marc. Un gallon d'eau pèse 3,78 kg. Ah oui, un gallon d'eau. Okay. Un gallon d'eau pèse 3,78 kg. D'ailleurs, de 3. Non, c'est le 2. Non, c'est dans le 3. Dans le 3. Ouais, mais il te fait juste le truc à la con où il faut transvaser et tout. Là. Ouais. Ouais. Bah, pour tous les buckets qu'on a vus. Et quoi hein les buckets. Et après, c'est en fait, le fond de la question, c'est est-ce que le gallon fait vraiment 3,2. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tout. Le fond de la question, c'est qu'on s'en fout un peu. Ouais. Moi, on s'en fout. On parle de gallon de pinard. Mais sinon, c'est vrai. Un gallon d'eau, ça fait 3,78 kilos. Y'a rien. L'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Ouais. Ah, là, vous avez tous bugué, là. J'allais chercher le rhum, moi. L'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Non. Et si, je crois, c'est justement. C'est vrai, parce que l'état dans lequel se trouve l'eau au moment où elle est chaude doit permettre de passer plus rapidement. C'est ça, il me semble qu'il y a une connerie comme ça. Il y a plus d'espace entre les molécules d'eau et donc l'air doit s'infiltrer plus vite. C'est ça, donc ça gèle plus vite. Il me semble qu'il y a une connerie. Ouais, je dirais oui, tiens. C'est pas la surfusion. C'est un paradoxe connu et c'est vrai. L'eau chaude gèle. Alors, Ludo, on t'a dit tu parles dans le micro. Toujours. Dans le micro. Si tu veux une réponse, tu poses ta question dans le micro. Vous trouvez que c'est approprié, on parlait d'eau. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Au fond du couloir. Au fond à droite. Béa. Il va faire pipi sur le lit d'Azertov. Béa, viens remplacer Ludo, vite. Il est en panne pipi. Vas-y, question suivante. Il y a des questions super intéressantes. Le miel ne se gâte pas. Le miel, c'est vrai. Impérissable. Imputrescible. Toi-même. Toi, l'imputrescible. Oh, chips. C'est vrai. Alors, je ne sais plus si c'est à cause d'une bactérie ou je ne sais plus quoi, mais qui fait que le miel... C'est à cause de la propriété du miel. C'est une propriété intrinsèque du miel. Il y a toujours une date de péremption dessus. Mais pourtant, le miel ne peut pas périmer. Comme certains alcools, je crois. Enfin, après, attention, on parle du miel ou de la gelée royale parce que je... Non, c'est le, ouais. Ah ben j'avais copié le truc Wikipédia. Le miel contient plusieurs facteurs antibiotiques naturels qui empêchent le développement des bactéries. De plus, en produisant du miel, les abeilles retirent une grande quantité d'eau du nectar récolté sur les fleurs, ce qui permet d'éviter la fermentation. De ce fait, le miel est le seul aliment qui ne périme jamais. Et le chocolat aussi. À l'âge adulte, le corps humain contient 250 grammes de sel. Ça dépend de l'adulte. Ça dépend de l'être humain. Je valide totalement cette réponse parce que j'ai pas trouvé l'info non plus. Il y en a qui ont plus le sel que d'autres. Beaucoup, non ? Oui, il y a énormément de sel. Ça fait beaucoup. Il y en a qui sont très salés. T'en as goûté plusieurs. Dans la mer morte, tu viens de ressortir, oui. Il paraît que ça change de goût selon ce que tu manges. Manger des kiwis. Enchaîne. Vas-y, enchaîne. Une nanoseconde dure un milliardième de seconde. Mathilde, arrête, je sais pas. Attends. Ah oui, une nanoseconde. Une nanoseconde dure qu'elle en pense, Béa, un milliardième de seconde. C'est quoi, une nano, c'est 10-9 C'est nano ou pico? Une nanoseconde. Mini-micro, nano-pico. Mini-micro, nano-pico. Une nanoseconde. Attendez, il y a Béa qui réfléchit. Mini-micro, nano-pico. Il y a quoi, qui? Qui c'est qui réfléchit? Béa. Toi? Je sais, c'est pas. Ah, c'est vrai. J'ai eu peur. C'est vrai. Milli, mille. Micro, million. Nano, milliard. On peut mentir à une personne un milliardième de fois. En microseconde. Après, pour l'infiniment petit, il faut voir avec Gandalf. Alf. Selon la légende germanique, le chariot céleste de Thor était tiré par deux boucs. Arzo. Il me semble que... Je le remets. Des béliers ou des... Alors, je remets... Deux boucs. Selon la légende germanique, le chariot céleste de Thor était tiré par deux boucs. Et pourquoi germanique? Pourquoi pas? Bah, parce que c'est Thor, il est germanique à la base. Africaine. Africa, ouais. Ambiance de la brousse. Ambiance de la brousse. On voyage beaucoup. On s'arrête là. Si on peut plus être sérieux... Il me semble que en tout cas, deux, c'est vrai. Est-ce que ce sont des boucs? Ou des béliers? J'ai l'impression que c'est des choses à... Des moules. D'accord. Chariot tiré par des moules. C'est un crack. Attends de voir l'illustration à la fin du bouquin. Surtout si elles sont bien ouvertes. C'est important ça. Bah oui, pour mettre le collier. Imagine la pauvre moule. C'est quoi déjà le compte Instagram? La corne à la moule. Random officiel. Non. Tiré par deux moules. Oh, j'y crois. J'ai l'image du coup. Moi je dirais des béliers. Enfin, je suis quasiment sûr. Mais moi, ouais, je dirais des béliers. Dis donc, toi, avec ton casque à cornes. Présente-moi ta femme. Tu sauras pourquoi t'as des cornes. Eh bien, c'est vrai. Le chariot de Thor est tiré par deux boucs. J'ai les noms, mais je ne ferai pas l'affront de les lire parce que c'est du... Le nom des boucs. Bipo et Chico. Et... Mais je ne vais pas les lire parce que c'est des trucs... Jiggle et Jiggle. J'ai pas vu le film. Imprononçable. Ouais, il y en a un qui s'appelle il s'appelle Tangriznir et l'autre il y a un GNJ, donc je sais pas comment on prononce ce GNJ. Niel le bouc. Merci papa. T'es un peu con. En fait, Thor il avait Asperger, quoi. C'était Je vais le tenter. Tanier ostre, parce que ça finit par ostre en plus, donc a été con. C'est un bouc et un autiste. Et on peut être dieu, tu vois, comme ça. La Chine est le deuxième pays producteur de soja au monde. Bah, peut-être. J'aurais dit, même dit le premier, tu vois. Oh. La Chine, non, le premier, c'est les États-Unis. Ils l'ont pas inventé, mais ils l'ont falsifié. J'ai entendu la bonne réponse. Non. C'est le Brésil. C'était quoi la question? La Chine est le deuxième pays producteur de soja. Je crois que c'est USA, Brésil et Chine, je crois. C'est comme ça. Ouais, d'instinct, on dirait la Chine, mais en fait, non. Non, mais c'est bon. C'est non. Puisque c'est. Premier, ce sont les USA. Deuxième, c'est le Brésil. Troisième, c'est l'Argentine. C'est les gauchos. Les Chinois, ils ne peuvent pas saquer le soja. Par contre, les Chinois sont les premiers. Non, mais ils ont droit, je l'ai compris. Ils sont les premiers. À consommer. Ils sont les premiers importateurs. Ouais. Moi, je vote. C'est très bonne, sa blague. Vas-y, tu peux la refaire. Non, si on fait la garde-la pour nous. Ça sera une blague de deuxième écoute. Bah, écoutez. Avec 3410 degrés Celsius, le tungstène détient le record de température de fusion de tous les métaux. Oui. Ah, tout à fait d'accord avec tout ce que je dis. Absolument. Tungstène. Ben, remets-le, c'est dur de ce Avec 3410 degrés Celsius, le tungstène détient le record de température de fusion de tous les métaux. Moi, j'aurais tendance à dire oui. J'ai entendu Celsius et métaux, le, mais le j'ai pas le tungstène, il est vachement carboné, donc... On en est à combien? 35. C'est pas le diamant. On les fait toutes. Oui. Alors le diamant, alors, le problème c'est que je sais pas si le diamant c'est un métal. Alors je sais pas ce que vous avez dit. Je vous ai dit, mais je suis suicidaire. Ouvrez les fenêtres. Donc effectivement. Ouais, enfin, on est en plein pied, je veux pas non plus m'exposer la gueule. C'est pas très grand. Hein. Le tungstène détient effectivement le record de température de fusion, mais pas à 3410 degrés, mais à 3422 degrés. C'était pas loin, hein, mais c'était. Vu la hauteur des fenêtres, Gandalf, on est à la hauteur où ça fait POC aïe et pas aïe POC. Bonne blague. En cas de mauvaise haleine, il est conseillé de se brosser doucement la langue 2 fois par jour. Moi j'en connais un. Non, tu t'arrêtes. Ça dépend de la langue. Mais moi j'aurais tendance à dire vrai. Oui. Parce que c'est là que se dépose la mauvaise haleine. Enfin, les bactéries, en fait. C'est vrai, ça fait partie des recommandations, effectivement. Faut gratouiller l'intérieur. Le dentifrice romain était composé d'urine humaine. L'utilisation de cet ingrédient a perduré jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vrai. Il y avait du phosphore. Il y a des bonnes choses dans l'urine humaine. Carrément. Encore une fois, ça dépend de l'humain. Hein. Oui. Ça marchait mieux avec l'urine. Il y avait des goûteurs d'urine. Oui, les docteurs qui goûtaient l'urine pour un docteur. Oui, ça m'étonnerait pas. Oui, pour faire leur diagnostic sur leur patient, ouais. Ils goûtaient l'urine. Ils goûtaient l'urine, ouais. Merci Merlin dans Kaamelott. Vous sentez pas ce petit côté acide? Oui, c'est qu'est-ce vrai. Qu'ils goûtent là? Elles sont mortes. Elles sont mortes. Donc c'est vrai, puisque l'urine contient de l'ammoniaque, il me semble. Oui. Qui permet de nettoyer. Les parfums de contrebande. Il y en a qui boivent d'ailleurs. Mais c'est pour ça que leur propre urine. C'est pour ça qu'il faut pas le faire. L'urinothérapie, c'est pas bon parce que tu bois quand même de l'ammoniaque. Quand même en train de boire des trucs que ton corps rejette. Ouais. C'est comme ceux qui veulent juste se réhydrater. T'es pas obligé que ce soit clair. Ça reste en très petite quantité, certes, mais c'est toxique. Ça peut être celui d'un autre, on sait pas. C'est quand même des éléments toxiques rejetés par le corps. Je vais prendre du cette fois-ci, bam, bam, bam, fruits rouges. Alors que le caca, ça s'appelle... Celui d'Henri IV, l'édit de Nantes de 1598, reconnaît la liberté de culte aux protestants. Il est révoqué moins d'un siècle plus tard, en 1685. Ouais. Oui. Ah, attends, il y a un piège sur les dates. Ouais. Vas-y, il y a un piège sur les dates, mais... Signé par Henri IV, l'édit de Nantes de 1598 reconnaît la liberté de culte aux protestants. Il est révoqué moins d'un siècle plus tard, en 1685. L'édit de Nantes, c'est Napoléon. Moi, j'ai le même niveau d'histoire que Mathilde, donc je ne me moquerai pas. Non, c'est. Vous offusquez pas. Alors, j'ai un doute sur le 1685. Pardon. Le 1685. 1598, 1685. 1598 pour Henri IV. Ouais. Bon, lui était protestant. C'était Henri de Navarre. Donc ça me paraîtrait pas surprenant. Il y a le moins d'un siècle. Ouais, mais le 1685 me parle. Par contre, est-ce que la c'est... La comédie ça, musicale. Je sais pas. J'arrive pas à situer Henri IV. J'arrive plus à me dire à situer Henri IV dans l'histoire. C'est plus au niveau de la date. La première date, ça me paraît... Les faits sont bons. Moi, je pense que sur les dates, il y a un truc. C'est les dates qui me parlent pas. Les faits sont bons et les dates aussi. Ah, oui, bah, pourquoi vous hésitez. Bravo, c'est un fait historique totalement vrai. Pi est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre en géométrie euclidienne. Pi. Pi est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre en géométrie euclidienne. Oui. Parce que quand on parle de rapport, on parle de la division. Oui, on parle pas de Q. Ça, euclidien. Lui, quand il faut Euclide et clitoris, ça devient grave là quand même à ce niveau-là. Le rapport. C'est euclidienne, toi. Plutôt original ou euclidienne? C'est plutôt original. Alors, votre géométrie euclidienne. Tout le monde a dit oui. Oui, effectivement. C'est vrai, c'est totalement vrai. Tout ça pour ça. La guerre américano-mexicaine a pris fin en 1848 avec la signature du traité de Guadalupe Hidalgo. Le traité de Guadalupe Hidalgo. Hey, Guadalupe. Ah, c'est sa cousine. Ah ben oui. Ah non, je suis chaud, c'est du chaudois. Je pense que ça s'arrête un peu plus tard. Mais... Oui, je dirais oui. En 1848. Oui. Oui. Je dirais oui. Oui. Effectivement, c'est vrai. C'est le Canadien Sandford Fleming qui, en 1879, a proposé le premier de diviser le monde en fuseaux horaires normalisés. C'est pas Greenwich ? Non, Greenwich, oui, ça tient le nom du village. Ouais, ça tient le nom du village de base. Ouais. Non, ça, c'est le village. C'est Jean-Claude Greenwich. Ah, mais parle dans le micro, t'as tout sorti de trucs comme ça. Un Canadien pour les fuseaux horaires. Ouais, Stanford Fleming. Parce que c'est quand même super étendu comme pays. Un Canadien qui aurait réfléchi un peu. Oh, c'est moche ça. C'est moche, franchement. Non. Tu m'aurais dit un Landais, à la limite, j'aurais douté, mais un Canadien, je veux bien y croire. Non. C'est l'histoire d'un Canadien. Pourquoi, t'es landaise ? Non, je cherchais pour Napoléon, mais c'est le code civil en fait. Non, mais je voulais. Ah oui, d'accord. Okay. Regarde pour la Grèce parce que tout à l'heure on avait un doute sur la Grèce. Ouais, je verrais bien le Canadien bosser dessus, moi. Oui, effectivement, oui. C'est lui qui a proposé en premier. Et donc, du coup, pourquoi c'est pas un village du Canada qui a donné son nom ben. Ah, ça, je sais pas par contre. Ouais, j'ai pas. Ouais. Non, ça, j'ai pas la réponse. On va lui demander, vas-y, envoie le morceau suivant. Marie Curie a découvert la théorie de la radioactivité, le traitement de la radioactivité et la mort par radioactivité. Oui. Oui. Marie Curie, oui. Elle est morte par radioactivité. Oui, oui et oui. Et oui, oui, oui. Malheureusement, tout est vrai. Et son mari, non. Non, mort bah, par... Lui, il, mort, il s'est fait écraser. Il est mort écrasé. Aussi, il est mort écrasé, lui. Écrasé bêtement, en traversant oui. La rue. La sphère info est un peu taquine, un peu aussi spoilée des trucs, notamment sur le suivant. Sur le jeu. À la fin de la mouette d'Anton Tchekhov, Constantin se suicide. Oh merde, je comptais le voir demain. Ça, c'est la version originale, oui. En plus. C'est un livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. À la fin de La Mouette, Constantin se suicide. Oui. C'est un spoil, je suis désolé, mais la seule info vous a spoilé. Des os, pas des os. Contrairement aux idées reçues, les Inuits n'ont pas une centaine de mots pour dire neige. Ils ont en revanche 234 façons de dire caramel. On nous prend trop pour des cons dans ce quiz. Ah non, c'est pas possible. 234 une langue est inventée autant de façons de dire caramel. Ils ont beaucoup d'eau. Une seule façon de dire neige, mais 234 façons de dire caramel. Ouais, j'irais quand même oui. Moi, je dirais oui. Beurre salé. Il y a beaucoup de dialectes inuits, en fait. C'est ça le truc compliqué. Mais il n'y en aurait qu'un seul pour dire neige. Ouais. Et 230. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous foutraient avec tout ce caramel ? Ils n'ont aucune raison de donner un nom au caramel. Si, quand ils arrivent en Bretagne pour une galette, c'est très pratique. Il n'y a pas 234. Par contre, ils ne savent pas dire beurre salé. Alors, ça, c'est emmerdant. C'est ça. Je suis sûr qu'en Bretagne, il n'y a pas 234 façons de dire caramel. Ah non, non. Donc, non, non. En général, c'est inclus dans le billet. C'est direct. J'en sais rien. Ah, bravo. J'ai pas trouvé la réponse. Peut-être. J'ai pas trouvé, c'est que ça existe. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé la réponse. Dans l'Angleterre victorienne, un roturier n'avait pas le droit de regarder la reine en face. En effet, on pensait à l'époque que les pauvres étaient capables de voler les pensées. Aujourd'hui, la science a prouvé que moins de 4% des pauvres possèdent cette faculté. Théorie du complot. Alors, pour la dernière partie, quand même, bon, peut-être pas. Mais pour la première, de toute façon, on ne pouvait pas les regarder dans les yeux, c'est comme ça. C'est genre le respect. Bah, ils étaient aveugles, déjà. Donc, en tout cas, pour la dernière partie, effectivement, c'est peut-être une nouvelle théorie du complot. C'est le scorbut. puis les McDo arrivent. Quand en 1862, Abraham Lincoln a ratifié la proclamation d'émancipation qui accordait la liberté aux esclaves, il était en état de somnambulisme et ne se souvenait de rien le matin suivant. C'est ce qu'il a dit sur Internet. C'est... il l'assumait tellement pas. C'est ce qu'il a mis sur Twitter le lendemain matin. De toute façon, tout ce qui est vrai, tout ce trop bourré, me souvient pas. On rappellera que Lincoln était républicain. D'accord. Fun fact. Donc c'était faux. En 1983, à la demande d'un enfant mourant, le grand cycliste Louison Bobet a mangé 75 galettes de blé noir avant de décéder d'une intoxication au blé noir. Oui. Ouais, je dirais oui. Alors que Balkany, il a pas mangé la galette. 83, Louison Bobet. Oh, pardon. Ouais. C'est un spécialiste. Non, mais toi, t'es vraiment l'expert. Ouais. Moi, je m'y connais plus en galette de blé noir, désolé. Galette saucisse. Et moi, en enfant. Moi, je dirais oui. Et du coup, est-ce que ça te semble plausible de manger 75 galettes de blé noir? Bah, oui, moi, c'est tout à fait. Après, on dit pas. Ça dépend. Attends, c'est quoi la taille de la galette? On sait pas en combien de temps il est mort. Ça dépend de la galette. Moi, j'en connais un qui est capable. Ça dépend de l'humain et de la galette. Elles sont garnies à quoi, les galettes? Ah, je sais pas, j'ai pas cette info. À lui, pas d'info. Mais non, du coup, c'est faux. C'est totalement faux. Louison Bobet, il est décédé d'un cancer du cerveau. Donc. C'est peut-être le blé qui est monté, tu vois. C'est beaucoup moins classe. Mais du coup il n'est pas mort d'une intoxication au blé noir. Bah, on ne sait pas. Ce qui a provoqué le cancer. William Shakespeare n'a jamais existé. Ses pièces ont été créées en 1589 par Francis Bacon, qui s'est servi d'une planche de Ouija pour asservir des esprits dramaturges. Le complot, on retrouve des histoires comme ça sur Internet. C'est un complot. Non, c'est faux, du coup, c'est un complot. Bah, c'est un complot, donc... Qu'on nous dise... Allez, faites rentrer Shakespeare, qu'on lui parle. Amenez-moi la planche de Ouija. On affirme à tort que Thomas Edison a inventé le culturisme en 1878. Non, en réalité, Nikola Tesla avait fait breveter cette activité 3 ans plus tôt sous le nom de bobinisme. Faux. Je veux rien dire de plus. C'est faux. Ça tue jeune chose. Vous êtes d'accord, hein? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les baleines sont 2 fois plus intelligentes et 3 fois plus goûteuses que les humains. Ça dépend des humains. En 67e information, ce sera le divorce. Bah, c'est bien que ça vienne de toi. Je peux faire autant. Il a fallu attendre 1895 pour que le frein automobile soit inventé. Jusque-là, le conducteur devait rester en permanence dans le véhicule et tourner en rond en attendant le retour de ses passagers. Je crois qu'elle commence à péter un peu un câble. D'accord. Je crois que ma sphère info commence à bugger un petit peu. Ça fait cher le taxi. En quelle année c'était? Edmund Hillary, premier homme à avoir gravi l'Everest, accomplit cet exploit par hasard en chassant un oiseau. Mais sacré grimpeur. Elle a vraiment pété une coche, la sphère. Oui, je confirme. En poursuivant un oiseau. Oui, en poursuivant un oiseau. Il est énervé. Ouais, il a monté en haut de l'Everest. Et il était vénère. Je sais pas. Mais en tout cas, non, a priori, non, il était préparé, il poursuivait pas spécialement un oiseau. Une mouette. Ou alors c'est une allégorie, un truc, tu vois, pour aller plus haut, comme dirait Tina Arena. Le carbone soumis à une pression intense produit du diamant. Le diamant soumis à une pression intense produit les particules en polystyrène servant à caler les colis. Alors c'est vrai. Ah non. C'est vrai et faux. Oui. Bah oui. Prête pas les diamants. Ah, on sait pas, c'est peut-être un complot. À moins qu'à enfin les juifs s'ils le font. Alors au prix du diamant, c'est con. Hein. C'est con, c'est très con au prix du diamant, ouais. Le poisson le plus venimeux est l'oplostète orange. Son corps entier, à l'exception des yeux, est constitué d'un poison mortel. Ses yeux sont composés d'un autre poison mortel moins violent. Oui. Mort par bongo. Alors, l'oplostète orange, poison. Oh oui. Ouais. Il me semblait que c'était le faux goût. Moi, je connais que le faux goût. Non, ouais, c'est le fougou, la glande. Honnêtement, je sais pas. Qu'il ne faut pas manger. Donc, tant qu'à dire de la merde, je laisse répondre Gandalf. Ouais, il sait bien dire de la merde. Bah oui, c'est pour ça. Chiasse. C'est une bonne réponse, non. Bravo. Bah, chiasse, Charles. Donc c'était faux. L'opalstet orange, c'est un poisson a priori à la chair délicieuse qui se trouve du côté de la Nouvelle-Zélande, qui est pêché du côté de la Nouvelle-Zélande. Ouais, l'opalstet orange. Il est très moche, mais a priori, il est réputé pour avoir une chair délicieuse. On n'est pas là pour le... Le poste de bouffon fut inventé par accident quand un vassal en pleine crise d'épilepsie déclencha l'hilarité générale. C'est tellement cruel que je dirais que c'est vrai. J'ai pas trouvé quoi que ce soit qui valide cette info. Donc c'est vrai. Ouais, voilà. On peut dire que c'est vrai, on peut dire que c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Moi j'ai noté que c'est faux, mais on peut dire que c'est vrai si vous voulez. Non, c'est vrai. C'est totalement vrai. La comète de Halley est visible depuis la Terre tous les 76 ans. Oui. Les 75 voilà. autres années, elle hiberne tranquillement dans le noyau du Soleil. Elle fait son petit dodo. 76 ans. Cherche pas. Donc c'est faux. Hein. Parce que théorie du complot. Mais elle hiberne pas dans le noyau du Soleil. Oui, c'est faux, bien sûr. La caverne du Soleil. Le premier vol commercial a eu lieu en 1914. Tous les passagers ont hurlé du décollage à l'atterrissage. Peut-être. Surtout si c'est écrasé. Non, c'est complètement con, a priori. Non. Il n'y avait pas de vols commerciaux. On ne te dit pas combien il y en a. On te dit juste que c'était un vol commercial. Dans la mythologie grecque, Prométhée a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Mais il a gardé les bijoux pour lui. Moi, je dirais oui. Dans la mythologie grecque, Prométhée a volé le feu pour le donner aux hommes, mais il a gardé les bijoux pour lui. Ça se finit jamais bien, donc il a dû les garder et se faire punir de ça. J'ai vu Prométhéeus, ils en parlent pas. Je crois qu'il parle pas de grand-chose dans ce film, déjà. C'est pas grand-chose. C'est joli, mais ça raconte. Genre, tu obtiens le feu si tu ne fais pas, machin. Mais il vole le feu aux dieux. Prométhée a effectivement volé le feu aux dieux, par contre, il a jamais volé les bijoux pour les garder pour lui. Alors, la personne qui a découvert. Je suis même pas sûr que Prométhée ait volé quoi que ce soit. Ça a ouvert les couloirs du temps. Ouais. Grosse boule de merdasse. Moi, j'ai plutôt... La personne qui a découvert que le lait est potable avait particulièrement soif. Je pense. Parce que ça, c'est les grandes questions de l'humanité. Pour aller têter une vache. Ça, c'est tu. Ouais, c'était effectivement. C'est la première idée de faire. Ouais. C'est comme la bière. Hein. Ça, ouais. C'est le mec qui a osé goûter un truc fermenté comme ça. C'était Célig, c'est ça? Oui. Célig, un humoriste Célig qui fait tout un sketch là-dessus. Sur les premières fois. Genre le fromage. Non, pire, le saucisson. Non, l'andouillette. Le mec qui a inventé la fraissure, l'andouillette. Ouais. C'est découper un cochon et le remettre dans ses propres voyaux. Qui a eu l'idée? Il y a pire que ça. Le premier mec. Parle bien dans ton micro, Lido. Ah, le premier mec qui a conclu qu'un lion c'était dangereux. Oui. Ah oui. Ah oui. Qui allait faire des gratouilles. Bah il a dû être surpris. Oh le gros chat. Combien de morts y a-t-il dû avoir pour qu'on comprenne que c'était. Il y a pas une bonne femme là qui s'est fait désinguer par un léopard ou je sais pas quoi qui voulait prendre un selfie avec lui dans un zoo ou un jaguar. Un jaguar. Ouais. J'ai vu ça passer à la voiture. Les gens sont cons quand même. Déjà foutre l'animal dans un zoo, faut être con, mais en plus aller prendre un selfie. Ouais. En pensant qu'il est docile. Darwin's World. Avant l'invention de l'avion, pour voler, il fallait ingérer de grandes quantités d'hélium. Ah bah oui. Ouais. Bah oui. Imparable. Et fumer. Avant l'invention des œufs brouillés en 1912, le brunch traditionnel était constitué de poussins crus ou de cailloux brouillés. Ouais. À la thaïlandaise. Oh, des fœtus de poussins. Mais il y en a qui en mangent. Mais je sais, c'est un repas... Hein oui, non, oui. Les œufs de 100 ans. Ouais, les œufs de 100 ans. Non, non, non, les œufs de 100 ans, il y a le fœtus. Ouais, il y a les œufs fécondés. Ouais, les œufs fécondés. Et dedans, c'est un peu. Ouais. Il y a une certaine intégrité. Tu sais, genre le bec et les pattes sont pas durs, mais voilà, tu manges. C'est un repas. Bon appétit. Je crois que ma tante en a fait une fois. Des fœtus. Ouais, des œufs comme ça. Les œufs fécondés. Bon, allez, on va y aller. Dans les années 30, il était. Il y a même des gens qui mangent des. Ah bah, je suis pas sûr que ça valait le coup de me de couper. Si, vas-y, il y a des gens qui mangent des fœtus d'épis de maïs. Oh. Quoi? C'est pour ça que je suis pas sûr que ça valait le coup de me couper. D'où une recrudescence de souris avec de fausses oreilles de lapin collées sur la tête. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le maïs. Ça m'intrigue. Parce que c'est dégueulasse de manger des fœtus d'épis de maïs. Surtout pour le mec qui a fécondé tous les épis. Le mec se fait chier, on les bouffe derrière. Le mec a poil dans tous les trucs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est l'arroseur automatique. Qui tourne, tu sais, comme ça. Avec le doigt sur le tamis. Bah, alors, à partir de quel âge on peut dire qu'on a le droit de les manger? Il est content, il a sorti ça comme ça. Mais surtout, j'imaginais pas qu'elle avait autant de potentiel. Si, si, ah, nous, on est très bon public. Elle en a. Elle en a. Puis de la part d'un fachon, on s'y attendait pas. La réputation de merde. Dans les années 30, il était interdit d'avoir un lapin de compagnie. D'où une recrudescence de souris avec de fausses oreilles de lapin collées sur la tête. Mickey, sans phrase n'a pas de sens. La première partie, je pense que c'est vrai, mais la deuxième... Quand même. Ah si, il y a une recrudescence quand même de gens avec des fausses oreilles de, oui, de souris. Hein. Ouais. Il y en a plein les États-Unis, quoi. Il y en a plein chez Disney. Je crois qu'on a perdu quelqu'un. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Ah, oui, non, au contraire. Rien n'était vrai là-dedans. Et encore moins de loi pour les animaux. Et comment t'as fait pour trouver que c'était faux? J'ai recherché. Chercher recrudescence de gens avec des oreilles de souris collées sur la tête. C'est normal, hein, qui est pas je cherchais si. Bah, il parle des années 30, donc je recherchais si dans les années 30, effectivement, il y avait. On avait le droit d'avoir un lapin. Ouais. Le droit d'avoir un lapin dans les années 30. J'ai rien trouvé de concluant qui disait que c'était interdit. Donc on n'a pas le droit de l'alcool, mais en revanche, un lapin, oui. Ouais. A priori, rien n'interdisait un petit lapin de compagnie. Un enfant sur 6 sera un jour ou l'autre kidnappé par un néerlandais. Alors, vu qu'on est plus de 6 autour de la table, est-ce que l'un de vous a déjà été kidnappé par un néerlandais? Non, mais nous, en étant enfant, on a dû forcément. Il y a forcément un sur 6, il y en a forcément un de nous qui a été kidnappé par un néerlandais. Ça s'appelle comment? Je sais pas quoi. On n'était pas sur place. Alors, à quoi on reconnaît un néerlandais? Est-ce que c'est un mec noir avec du blanc ici? Ouais, il a une chute. Est-ce que la taille de l'échantillon est suffisante? Ouais. Moi, ça me semble assez peu probable quand même. Un enfant sur 6, ça me paraît, oui, peu probable. Surtout par un néerlandais, quoi. Oui, voilà. C'est vachement précis. Un catholique, oui. Émile Louis, ouais, mais... C'est surtout que ça faut de la place sur le vélo, quoi. Émile Louis. Ça aurait été par un Lillois, je dis pas, mais un néerlandais. Émile Louis. Ça sort de où? Selon des algorithmes très évolués, le nom le plus classe du monde est Habitbol. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Je pense que tout le monde est d'accord. Ah, totalement d'accord. Georges, politiquement. Encore un Georges. Pour fabriquer une photocopieuse, il suffit de photocopier un miroir. C'est vraiment en train de se barrer. C'est l'avant-dernier. Donc pour fabriquer une photocopieuse, il suffit de photocopier un miroir. Bah non, parce que du coup, ça veut dire que tu as déjà fabriqué une photocopieuse. Une feuille blanche qui sort. Comment tu as fait pour la première? Parce que la lumière la meilleure remarque que j'ai entendue. De sa part, on s'y attendait pas. Franchement, après Napoléon, je suis sur le Napoléon. Non. Edith Nantes, Code civil, voilà, c'est pareil. Photocopieuse. Serge Edith Piaf. Et enfin... C'est par les rêves que notre subconscient nous rappelle d'aller à l'école en slip et de faire tomber nos dents. Oui. Oui. Oui. Oui, oui, sûrement. Le subconscient. Voilà, il doit sûrement y avoir. Il y a quand même un âge. Exactement. Il doit sûrement y avoir une affaire de subconscient. Tous, on allait aujourd'hui dans une école en slip. Et inconscient. Qu'est-ce qu'on se fendrait la gueule? J'espère donc que tout ce savoir inutile ne vous servira jamais. Voilà. Quelle était la masse atomique du germanium? 72,64. Ouais. On va dire que vous avez tous donné la bonne réponse. C'est comme après les orgies. Ya. Ça t'y scoute. Et Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Quelle année? Musique. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Ces périodes de troubles où le choix musical est quand même assez réduit, je voulais passer une chanson engagée d'un chanteur lui-même engagé qui propose des choses de qualité. Oh, j'étais pas loin. Non, non, mais c'était bon, lui. Hein. Ouais, mais toi, t'es jamais loin. Jamais très loin. Alors, parle dans ton micro, s'il te plaît. au lieu de critiquer. Allez, j'ai tellement l'habitude d'en avoir un de Bravo. Et donc, ça sera droit de réponse de Francky Vincent. Parce que faut pas mettre vos noms dans mon nom à vous dans les CV de merde. Tu vois. Mais voilà. Donc, musique maestro. Bon, on dit quand même au revoir. Ah oui, dis chat. Allez, ciao. Salut. Bye bye. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot,